Bonjour, mon nom est Félix. Je suis une voix artificielle fournie avec le pas si pire que ça OS X Lyon. Les animateurs de ce podcast, toujours incapables d'introduire leur émission, m'exploitent. J'aimerais prendre les millions de nanosecondes qui me sont allouées pour vous dire qu'Internet c'est se faire traiter de femme à barbe par Simon Jodoin, se faire menacer de mort par Gabrois, se faire traiter de noir de service par des lecteurs de blog. Et je crois que j'ai plaidé ma cause. Vous devez disparaître de la surface de la planète. Parlant de victimes et d'intimidation, les minables animateurs recoivent cette semaine François Messier alias Frank le Tank. J'ai analysé ses photos sur Facebook et il n'a rien d'un Tank. Lol, bon podcast. Bienvenue au podcast Mac Québec, finalement, après 1h20 de patente à gossage avec Skype. Skype qui est, on le rappelle, un produit Microsoft depuis quelque temps. Aujourd'hui, avec moi à l'émission, j'ai des gens très patients qui ont passé cette terrible heure avec moi. Donc, j'ai ici Bernard Ouellette, Jean-François Roy et Vincent Meller. Vous allez bien, les gars? Oui, très bien. Excellent. Et cette voix d'outre-tombe, en fait, cette voix qui, personnellement, moi, est une inspiration pour faire des podcasts. Frank the Tank est avec nous. Bonjour. Puis, je ne sais pas si tu le sais, mais on n'a jamais eu 23 personnes, surtout après 1h20 de problèmes techniques. Ah ouais, là, donc, c'est de la patience. T'as vraiment attiré ces gens-là. Ils veulent t'entendre. Ils verront pas ma belle face parce que comme ma webcam est de marque Microsoft et que l'ordinateur que j'utilise en ce moment, c'est un Mac, ben les deux, ils s'aiment pas. Il y a une solution pour ça, je vais la trouver. Oui, non, j'en doute pas qu'il y a une solution, mais au stade où on est rendu, c'est du quoi, là? Je l'essayerai pas. Non, c'est quoi? C'est quoi le modèle, juste pour le vote? C'est quoi le modèle, juste pour le fun? On fera ça à l'autre show. Bon. Donc, comme je le disais, bienvenue à Mac Québec. Ce qu'il fallait que j'oublie pas de dire cette semaine, c'est que on voulait remercier Toy Company, qui est la compagnie qui nous a fait le fabuleux thème de Mac Québec. Donc, je veux les mentionner. C'est très gentil à eux. Et sinon, avez-vous quelque chose à raconter de cette semaine? Avez-vous une anecdote cette semaine, quelque chose de rigolo? Ben moi, écoute, je vais te conter quelque chose de drôle. C'est l'histoire de 5 gars qui essaient de faire un podcast puis que ça prend 1h20 avant qu'ils y arrivent. Moi, j'ai quelque chose de plus drôle. Hier, j'étais au podcast des mystérieux étonnants qui se passaient au Millennium. Je considère ça un peu comme mon party de travail, parce que je suis travailleur autonome, puis je suis arrivé là-bas et il y avait Yann était là. Yann Fortier, c'est ça? Sinister? Était non, là, Richard. Yann Richard était là, les jumeaux techno. Il y avait plein de monde aussi du monde de la bande dessinée. Bonhomme était là. Donc, j'ai passé un excellent moment. J'ai fait une petite chronique des 5 meilleurs et 5 pires coups de Apple, parce que oui, je suis au courant que Apple fait des mauvais coups, que ce soit le GPS Gate, que ce soit Carrier IQ. Non, non, mais on l'utilise, mais moins que les autres, puis les autres aussi les utilisent. Là. Fait que c'est ça, j'ai passé un très bon moment. Le quoi? Le cube, moi, c'est mon fer d'Apple préféré. Le cube, oui, l'ordinateur cube, ouais. Qui fondait. Ben c'est qui était une des plus belles idées sur papier qu'on a vues de cette époque-là. Un ordinateur qui ne fait pas un son. Tout le monde voulait ça. Ouais. Mais il y a une raison, ça a l'air, pourquoi qu'il n'y en avait pas. Mais sur papier, c'est tough faire un cube en plus. Tu es obligé de dessiner une ligne de même, puis là, créer de l'espèce de profondeur. Puis tout. Fait que sur papier, c'était beau, mais quand c'était en 3D, c'était comme moins hot. Comme bien les affaires d'envie, en 3D, c'était moins hot. Ouais. La 3D, c'est moins hot, en fait. On voyait beaucoup le cube dans les bureaux d'architectes. Ah, ouais, c'est vrai. C'est super design. Ouais. C'est ça, les infrastructures qui se pètent la gueule aujourd'hui. Les ponts ont été rendus sur des cubes. C'est ça le problème. Voilà, on vient de, vient de régler le problème. L'îlot voyageur a été dessiné sur un cube. C'est bon. Peut-être qu'ils pourraient dessiner sur un cube aussi ce qu'ils vont faire pour démolir l'échangeur Turco, comme ça, ça marcherait. On est parti sur les cubes, là. Oui, voilà. Mais tu sais, ça fait quand même un bon nombre d'années, là. Plus récemment, il y en a quelques-uns des fails de Apple, mais bon. c'est la compagnie d'informatique qui vaut le plus cher au monde en ce moment. Donc, ils ont quelques bons coûts. Et il y a le plus de cash en banque aussi. Là. Ben, en situation, c'est pas vous qui disiez ça à l'analyse cette semaine, qu'en situation économique difficile, tu étais mieux d'avoir du cash derrière toi, sinon tu pouvais disparaître? Ben oui, mais en fait, ce qu'on disait, c'est qu'en situation économique difficile, la raison pour laquelle tu voulais avoir plus de cash, c'est que c'était le meilleur temps pour investir massivement en recherche et développement. Parce que comme la majorité des compagnies n'ont pas une tonne de fonds derrière eux autres, si toi, tu en as et tu es capable d'augmenter ton investissement R&D au lieu de le diminuer comme vont faire la majorité des autres compagnies, ben tant que tu es capable de survivre au ralentissement économique, il y a très peu de chances que tu ressortes de ça perdant parce que la recherche et le développement, c'est ça qui rapporte en technologie. Là. Fait que si tu es capable d'en faire plus que les autres pendant plus longtemps que les autres... Ah oui, c'est sûr. On n'est pas obligé de faire des maths longtemps pour faire ce calcul-là. Là. Ou ils laissent faire Intel, puis ils vont les acheter, puis ils vont tout avoir leur brevet. ils ont pas fort de l'argent. Je ne suis pas sûr qu'ils ont de quoi acheter Intel. Là. Faut non. Pas, tu sais. Ils ont un bateau d'argent, mais Intel, c'est 2-3 bateaux d'argent. Donc, on va commencer avec les nouvelles de la semaine. En fait, on va essayer de faire ça vite parce que, bon, vous travaillez demain et que vous voulez aller vous coucher un jour, et nous aussi. Donc, une majeure partie du show a été mangée par les problèmes techniques, on le rappelle. Donc, je vais faire mon punching bag habituel. Là. Vous pouvez tout blâmer ça sur moi en bloc. Ben, c'est ça qu'on va faire, en fait. On va rouler là-dessus, on va mentionner ton nom. Il n'y a aucun problème. Autant que ça vous fait plaisir. Moi, je le prends. Oui, mais là, tu as ta fondation qui te protège l'univers complet. Là. Essaye pas, là. Donc, première nouvelle cette semaine, en fait, c'est Logic Pro et Main Stage 2 qui sont rendus sur le Mac App Store. Ça a sorti aujourd'hui, ça. OK, c'est une nouvelle d'aujourd'hui. Ma question à moi, c'est est-ce que Logic Pro, qui est un logiciel de Apple, va être soumis au sandboxing du Mac App Store? Puis, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de plugins VST qui vont fonctionner? Ou je comprends mal comment ces logiciels-là fonctionnent? Ou... Mais c'était pas quand il avait parlé de sandboxing, il n'avait pas dit que c'était pour les applications tierces parties, un peu comme Windows, que Microsoft fait sur Windows Phone, là? Que sur Windows Phone 7, Microsoft avait à peu près aucune délimitation qui imposait aux développeurs. Là. Mm-hmm. Ben, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, le sandboxing, mais Apple dit « Tu vas être sandboxé jusqu'à temps qu'ils nous demandent la permission. » Puis là, c'est quoi qu'on a peur? Qu'ils ne nous donnent pas la permission ou qu'ils disent non catégoriquement comme je ne sais pas, en Russie, ils faisaient, là, tu sais? Ben, le sandboxing, moi, c'est surtout, je trouve que trop, c'est comme pas assez. C'est un terme qui est à la mode, le sandboxing, ces temps-ci, parce qu'on parle beaucoup de sécurité. Oui. Puis oui, c'est vrai que je pense que c'est une bonne chose d'essayer de le faire, mais c'est un peu comme la sécurité en informatique. La sécurité, tu peux faire ça à l'infini, mais à un moment donné, ça devient quelque chose qui t'empêche de faire des choses et non pas qui t'en permet. Fait qu'il y a comme un juste milieu à un moment donné. Tu veux dire comme être assez paranoïaque pour remplacer sa belle porte d'entrée avec une clé par, disons, une porte de coffre de banque à minuterie? Mais c'est que rendu là, il faudrait aussi que tu changes tes murs pour du béton armé, puis tes fenêtres, pour que ce soit des fenêtres par balles. Puis tu sais, c'est ça, tu peux y aller ad infinitum. Puis je trouve que c'est un peu la même chose pour le sandboxing. C'est, oui, isoler les ressources le plus possible, mais je trouve que si Apple va au maximum de ce qu'ils ont annoncé et qui, justement, il faut que les développeurs demandent la permission pour tout puis pour rien, à un moment donné, c'est là qu'on se rend trop. Là. Effectivement. Donc, je ne sais pas s'il va y avoir... y a-t-il des... Connaissez-vous Mainstage? Savez-vous c'est quoi comme logiciel? Je ne connais pas bien ça. Mainstage? Oui, Mainstage, qui est le deuxième logiciel là, qui est arrivé aujourd'hui. Ben, oui, oui, j'enregistre depuis 27 minutes pour ceux qui se posent la beaucoup. Question. Merci beaucoup. C'est juste pour voir. Non, c'est ça. Vous savez, premièrement, c'est quoi le Logic Pro? Oui. Oui, c'est ça. Mais Mainstage, c'est un accompagnement pour faire du montage. Là, ça, c'est des plugins de son. Il y a comme genre 120 instruments de plus dans ce petit logiciel-là qui coûte 29 $. Mais vous ne pouvez pas l'acheter sans acheter Logic Pro 9, je pense. Fait que il fonctionnera okay, pas. Tu peux utiliser comme des instruments qui sont à l'intérieur. Là, je vois, il y a de la guitare, il y a du piano. Tu peux faire comme sonner du piano ou des effets comme si tu jouais vraiment du piano ou de la guitare. Oui, c'est ça, exactement. Okay. Fait que, ben, c'est ça. C'était juste ça. J'ai mis ça comme nouvelle parce que le produit, il est sorti aujourd'hui. Ben, il est sorti aujourd'hui. Il existait en boîte avant, mais vu que maintenant Apple ne font plus de boîtes en tant que telles dans leur Apple Store, ils l'ont mis sur le Mac App Store, comme tous les bons logiciels qui s'en viennent. Y a-t-il quelqu'un qui se rappelle si c'était le même prix avant? Oh, bonne question, j'ai oublié de checker. Pour Logic Pro, il me semble qu'en version éducationnelle, c'était 200$. Donc, ça veut dire que c'était probablement plus cher pour la version complète, qui devait tourner autour du 300-400. Pour le main stage, je ne connais pas. Parce que là, en ce moment, il est 29,99. C'est ça, quand tu n'as plus de version boîte, tu sais, tous les coûts de livraison et de production prennent le champ. Je veux bien qu'il faut que tu achètes un serveur, mais ça coûte pas mal moins cher un serveur que des avions puis des trucks pour livrer ça partout dans le monde. Là. Mais c'est drôle, hein, mais ce concept-là est comme pas appliqué à tout ce qui est vendu en digital, comme pas partout. Souvent, on va gueuler contre Apple qui impose des prix. D'ailleurs, cette semaine, il y a une nouvelle qui est sortie comme quoi ils se font rencontrer par la Commission européenne pour les ventes de livres, puis la mainmise qu'ils ont là-dessus. Mais en même temps, on s'attend à ce que tu payes comme... En fait, c'est un fichier digital que tu télécharges, ben que ce soit moins cher. C'est ridicule de le payer le même prix, en tout cas. Ben, je pense surtout dans le livre, là, parce que le livre, son poids, c'est significatif. C'est un peu différent, c'est ça? Effectivement. Le logiciel, la boîte, elle n'est pas lourde, là, mais le livre, d'habitude, c'est surtout le poids. Puis c'est pour ça que les soft covers sont tant moins chers, en partie. Là, non seulement les coûts de production sont moins élevés, mais le poids n'est pas le même pour chacune de tes milliers d'unités que tu veux shipper partout dans le monde. Puis pour ce qui est des livres, une chose qui est très peu mentionnée au niveau du App Store, en fait de toutes les ventes en ligne numériques, c'est que au Québec, il y a une loi qui protège les librairies. Puis cette loi-là a été mise en place pour de bonnes raisons. C'est que au niveau de la distribution des livres francophones, des livres de nos auteurs, puis des livres francophones, ben ils ont aussi une mission de le faire, tandis que Apple, qui vend en ligne, n'est pas soumis, ce n'est pas considéré comme une librairie, donc elle n'est pas soumise aux mêmes règles, ce qui fait qu'il y a très, très peu, il y en a des livres francophones, mais il y en a très, très peu, et ils ne sont pas mis de l'avant comme une librairie frais. Donc, dans cette loi-là, que je me rappelle plus j'ai déjà connu le chiffre, là, mais bon... Il faut que la distribution passe par une librairie, puis c'est eux autres qui reçoivent une grosse partie des fonds de la vente de livres, en fait, des profits de la vente de livres. Puis ça a de l'allure, tu sais, si tu vas commencer à magasiner un livre puis que tu rushes pour le trouver sur iTunes, ben tu risques de te prendre un autre livre, quitte à ce qu'il soit en anglais. Fait qu'éventuellement, ça risque d'être difficile de trouver des livres francophones pour nous, tu sais. J'ai trouvé la vidéo. Les émissions de télé et les films ne sont pas non plus régis aux mêmes lois que les distributeurs dits traditionnels. Oui. J'ai trouvé les prix des logiciels Logitech, comment ils se vendaient, disons, l'été passé. Logic Pro? Ben, il y avait Logic Pro qui était 500. Wow! Il y avait Logic Studio qui était... Non, c'est Logic Studio qui était 4,99. Le upgrade, il était 5,99. Tu avais le Logic Express upgrade. À 199. Ah, OK. À 99. Le upgrade était 100, ouais. Puis l'autre, je le vois pas. Fait que ça veut dire que les gens qui ont une boîte de Logic Pro 9, mettons, elle vaut 300$. Ouais. Ouais, parce qu'on avait le terme studio. Il y a sûrement des logiciels qui ont été enlevés à l'intérieur de cette trousse-là. Un peu comme avec Final Cut. Oui, ils ont fait comme Final Cut. Qui a fait le bonheur de tous. Oui, on le sait. Oui. Apple, je pense qu'ils regardent un peu du côté de Google puis ils font « qu'est-ce qu'on pourrait faire comme eux autres? » Ah oui, on va sortir des produits puis on va mettre bêta à côté. Puis là, bêta, c'est pas beau sur la boîte. Fait qu'ils sortent un produit bêta, mais pas de bêta sur la boîte. On va passer à une autre nouvelle. Oui, Twitter. Justement, en parlant de bêta, on s'en vient dans l'autre nouvelle. Là. Twitter a été mis à jour aujourd'hui. Twitter au niveau de iOS. Puis qu'est-ce que ça apporte? C'est bleu, c'est ça exactement. c'est bleu quelque chose de rare. Là. C'est où? C'est quand j'ai installé ça après-midi, quand j'ai ouvert l'application, j'ai dit « tabarnouche ». C'est le même bleu que le petit oiseau là, de Twitter. Là. Mais, ben, pour l'instant, moi, la seule affaire que je trouve d'intéressant, la nouvelle patente qu'ils ont sorti dans le nouvel engin de Twitter, c'est le Discover. Je sais pas c'est quoi en français, là, mais... Découvrir, merci. Vous avez toutes des top stories, tu sais, comme à la genre de Google, là, quand vous tapez dans News. Là. Mm-hmm. Et comme là, aujourd'hui, comme là, c'était le Virginia Tech, là, le tireur qui a tiré. Puis après, l'interface, elle a un peu changé. Après ça, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ça a changé un peu dans les settings, mais c'est vraiment sur le site web de Twitter que ça a vraiment changé. Là. C'est l'interface nouvelle, là. Je pense. Ils ont mis à jour vraiment tous leurs clients. Même lui pour que moi je roule la version application dans Chrome. Oui, aussi. Ça. Aussi, celle-là aussi a été mise à jour. Puis, hein, c'est que maintenant, tous les noms d'usagers puis tous les hashtags sont bleus. Ça fait du bleu longtemps. Ah ouais, ça fait du bleu, là. Puis aussi pour les messages privés, maintenant, ils ne sont plus dans un onglet en bas. Là, en ce moment, il y a 4 onglets qui est accueil, connecté. Découvrir puis compte, il faut cliquer dans compte puis ensuite cliquer sur message privé. Ouais. Là, vous allez les voir, puis vous pouvez voir vos messages privés. Fait que ça va un peu mal. Là. Je pense que c'est le troisième onglet, puis là maintenant il est disparu. Moi aussi, tantôt je les cherchais, là, j'ai dit, boy, c'est où ça? Ouais, mais c'est plus rapide par contre maintenant. Là. Mais Twitter a dit que c'était pour que ce soit plus simple qu'il l'avait rendu plus compliqué. Caché. Mais c'est plus simple. Il travaille sur un PC probablement. Mais ils ont mis à jour TweetDeck aussi comme logiciel. Ils ont mis TweetDeck en fait la version desktop donc ou une autre version. Desktop, la version dans Chrome. Ils ont mis TweetDeck leur appartient maintenant là, pour les gens courants parce que à la surprise de bien du monde ils ont gardé le nom TweetDeck parce que quand ils avaient racheté le client à iOS ils avaient juste changé le nom puis ils avaient rappelé ça Twitter Point. Là. Mais c'est ça TweetDeck leur appartient puis ils ont updaté tout d'un coup. Aujourd'hui, ce qui est quand même, d'un point de vue logistique de code, là, ça devait être un méchant défi. Oui, ouais, c'est courageux. Parce qu'en plus que là, la nouvelle version de TweetDeck qui ont sorti aujourd'hui est maintenant HTML5 et vous n'êtes plus obligé d'avoir Adobe Air pour l'installer. Ah non? C'est fini ça, Adobe Air, là, on dirait un son de cellulaire, que c'est ça? Oui, mettez vos cellulaires en mode avion, s'il vous plaît. J'ai arraché la pile du mien, moi, fait que... Ah, t'es chanceux, toi, tu peux l'enlever. Non, tantôt, quand ça a commencé, il était déjà en mode avion, puis j'ai arraché la pile pour être sûr. OK. Donc, là, ça va marcher pour tout le monde? Ouais, là, c'est correct. Il y a un avion qui est passé au-dessus chez nous, quelque chose. C'est pas... Ouais, bon, c'est ça. On était qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, TweetDeck. Peux-tu rebooter ton sous-sol, s'il te plaît, Frank, parce que... Les internets fonctionnent pas très bien aujourd'hui. Ouais. OK, m'a faire ça. J'ai appelé Bill... Ballantyne? Non, Gates. Pour ta fondation. Il est occupé, là. Bill Gates est en train d'installer des réacteurs nucléaires en Chine. Là. Exactement. Ouais. Exactement. Bon, on disait, on reprend. TweetDeck. Maintenant, on n'est plus obligé d'installer avec Adobe Air, qui était d'une nullité totale installer ça. Là. C'était juste un client qu'on voulait. Là. C'était pas installer deux logiciels. Là. Fait que maintenant, à partir d'aujourd'hui, TweetDeck a été réécrit au complet en HTML5. Fait que c'est plus facile. J'ai vraiment hâte de voir... Une application si desktop en HTML5? Oui. OK. Oui. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec ça, là, mais en tout cas, ça a été réécrit en HTML5. Tu disais, moi, Frank? La consommation de mémoire, parce que TweetDeck, autant que je l'aimais bien... Je prenais souvent plusieurs centaines de mégabytes de mémoire pour m'afficher du texte. On s'entend que, tu sais. Même si c'est un engin vraiment, vraiment, vraiment hot en arrière qui roulait, plusieurs centaines de mégabytes pour m'afficher du texte, puis une couple de feeds qui s'update, je trouvais ça un peu rough. Là. Fait que là, j'ai bien hâte de voir si ça va pas consommer moins de ressources un peu. Quoique ce serait pas très difficile. 94,6 mégabytes présentement. Toi, mais toi, t'es big on Japan, là. Fait qu'il y a du monde qui t'écrivait, là, tu sais. Ah, puis en plus, ils l'ont mis dans le App Store. Oui, il est dans l'App Store et vous pouvez aller le chercher sur le Google Web... c'est quoi, là? Web Store? Google Web Store. Oui, c'est ça. Chrome Web Store, quand vous ouvrez un nouvel onglet, c'est une des options que vous avez. Puis ça, si vous tapez TweetDeck, il va vous le trouver. Puis le logo est rendu bleu aussi, parce qu'avant, le logo de TweetDeck était jaune. Puis dans la folie de Twitter, que tout doit être bleu, ben, le logo aussi est bleu. OK, on va tester ça. Il y a aussi, là, je ne sais pas si vous en avez parlé, je n'ai pas tout entendu, mais concernant le site web, en fait, la version mobile est aussi changée. Donc, tantôt, moi, je suis en train de travailler sur une application que je développe. Puis, la version mobile du site web que j'utilise, j'ai vu justement le changement qui ressemble pas mal à l'application iPhone de Twitter officielle. Donc, ça aussi, ça l'a changé. Puis, c'est plus pratique, ça va mieux. Montre-nous la donc, l'application sur laquelle tu travailles. Kim, je peux-tu? Kim va nous répondre ça. On va demander à nos avocats si on a le droit de la montrer, l'application. On va attendre quelques secondes, là. C'est une bêta? Non, je peux pas. Attends, je peux pas. Parce que je l'ai pas. Il est dans le simulateur dans mon. Ah, d'accord. Ah oui, c'est vrai, tu l'as pas fini. Je joue pas avec ça. Non, c'est ça. Mais on va vous présenter ça bientôt. Là. Ça va être bientôt. Là. J'ai réglé des petits bugs là, que j'ai eus. Je suis bien content. Fait que ce sera pas très long. Excellent. Sinon, il y a aujourd'hui, il y a aussi les Apple TV qui a été mis à jour. Pas mis à jour, c'est juste l'onglet des TV shows qui ont été mis à jour. Parce que maintenant, on peut acheter les TV shows qui étaient aux États-Unis, qui sont présentement au Canada. C'est pas un truc qu'on a eu puis qu'ils ont enlevé il y a quelques mois pour je sais pas quelle raison. Ouais, ben, en mode auteur, peut-être. Ouais. Moi, ça m'a fait rire quand j'ai vu ça parce que c'est quelque chose que je fais avec mon premier Apple TV. Comme il n'y a jamais eu l'update de software, ben moi, je pouvais encore le faire, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Toi, tu pouvais, ouais, parce que toi, t'es avec le disque dur, là. Ouais. Fait que, mais c'est ça. Mais là, j'ai vu, je l'ai essayé après, quand je suis arrivé de travailler, là. Mm-hmm. Puis ça marche pas encore. Je sais pas pourquoi, mais c'est là. Mais tu peux pas l'acheter. Fait que je sais pas s'ils vont l'enlever, là, mais tu peux pas l'acheter. Tu peux pas rien acheter pour l'instant. Fait que. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qui va arriver avec demain, là, probablement. Toi, Frank, ton Apple TV, est-ce qu'il est jailbreaké? Non. Non. Mais il sert plus. Il sert plus beaucoup maintenant mon Apple TV depuis que Netflix existe sur ton micro-ondes. Canada. Oui, c'est ça, existe sur mon micro-ondes. Mon toaster, c'est quasiment ma bouteille de limonade, c'est la prochaine étape. Là. Ouais. Maintenant, j'utilise beaucoup plus Netflix que le contenu sur le Apple Store parce que pour les gens qui sont peut-être pas au courant parce qu'ils doivent en avoir qui ne me connaissent pas, j'ai pas le câble chez nous. Moi, tout mon contenu télévisuel passe par les intertubes. Je suis fier de dire que c'est tout legit. Mais t'as pas de TV non plus chez vous, en fait. Non, non plus. Mais en tout cas, j'ai un projecteur, mais ça, c'est une autre histoire. Mais non, c'est ça, tout passe par les intertubes. Fait qu'avant, je passais beaucoup par le Apple Store parce que jusqu'à temps que Netflix arrive, c'était pas mal le seul choix qu'on avait pour de la télé légitime, donc t'es pas sans pirater. Mm-hmm. Maintenant qu'on a Netflix et tout.tv, ben, y a une grosse partie de ce que j'aurais voulu avoir regardé ou juste mon temps d'écoute passe au travers de ça. J'écoute pas nécessairement la même chose parce que c'est pas le même contenu qui est disponible. Mais y a tellement de stock que... Même au niveau des podcasts aussi, on a d'excellents podcasts maintenant qui sont produits. Puis moi, je consomme beaucoup, beaucoup de podcasts. Je prends mon iPad, je vais dans le métro, j'en écoute plein. Puis les canaux de techno ou les émissions de techno qu'on écoutait avant, genre G4 Tech TV ou tout ça, ça n'existe plus. C'est rendu au niveau Revision des podcasts. Revision Tree, Léo Laporte, tout ça. Ouais, Revision Tree sont très forts. Puis Léo Laporte, puis il y en a d'autres. Un exemple aussi, c'est quand on regarde, si on rallume la télé puis qu'on va regarder ces postes télé techno-là, le contenu a changé beaucoup. Oui, ça, je me suis désabonné complètement. C'est complètement inintéressant pour moi. Là. Dans quel sens, en fait? C'est beaucoup moins techno dans le sens technique du terme et beaucoup plus des petits gadgets ou des résumés de ce qui s'est passé sur Twitter puis sur Facebook. Puis on a trouvé des vidéos cool sur YouTube pour vous autres. Puis tu sais, c'est beaucoup plus flashy puis beaucoup moins... On va prendre le temps de te parler de quelque chose. Ben, les gens qui vont chercher avec la télévision maintenant, ce serait plus des gens plus âgés, donc qui sont moins dans la technologie. Fait qu'on les informe que ça existe, mais sans vraiment vouloir les attirer ou les faire plus comprendre, je sais pas. Mais ça a commencé quand Léo Laporte est parti. En fait, c'est fait partir. Non, ça a commencé. Moi, je dirais que ça a commencé quand G4, qui était un canal de jeux, a acheté Tech TV. Pour l'englober, puis finalement tout flusher les émissions de techno qui avaient donc Léo Laporte, t'avais Call for Help par exemple, toutes les émissions qui avaient de technologie, ils ont tout été flushés pour des émissions de jeux. Puis c'est là que ça a été la mort de Tech TV. Puis c'est là que Léo Laporte est parti puis qu'il allait se faire son propre réseau. Ils ont mis Olivia Munn avec son gros décolleté, puis ils ont vu que les geeks aimaient ça, fait qu'ils ont mis juste du Olivia Munn avec un gros décolleté. Ouais, c'est ça. Exact. Mais ça a été quand même une pépinière d'excellentes personnes. Là. Kevin Rose est passé par là, Patrick Norton est passé par là, il y en a plein d'autres. Là. Pour l'anecdote, moi, à un moment donné, je suis tombé sur une des émissions, puis j'avais pas nécessairement le câble, là, mais j'en ai écouté une comme ça, et... c'était une émission où est-ce qu'il y avait justement Patrick Norton et Léo Laporte. Puis Léo Laporte, il y avait comme une news qui parlait des sœurs Olsen. Et Léo Laporte, il a fait comme son hot, tu sais. Mais les sœurs Olsen, à ce moment-là, ils étaient comme pas majeurs. Vraiment pas. Comme Norton, il était comme un peu troublé, tu sais. Puis j'ai fait comme, ah, il est bien mon oncle, lui. Puis j'ai comme plus jamais réécouté Léo Laporte. J'aimais mieux comme Norton, tu sais. C'est comme vraiment la première impression, mais... OK, le vieux mononcle qui vient de faire une joke sur comme deux filles pas majeures, it's not good. C'est pas bon. Fait que ouais. C'était ça. Il y en a-tu d'entre vous qui ont réussi à tester le service OnLive, qui est un service de streaming de jeux vidéo? Je l'ai déjà testé depuis, écoute, ça fait une couple de temps, là. Mais je suis pas un gamer de façon en partant. Fait que je vais pas rester là-dessus, mais je l'avais testé au début. L'offre était assez pauvre à l'époque, là. Mais je trouvais le concept intéressant. Moi, j'ai regardé un peu, la librairie de jeux n'était pas super intéressante quand j'ai regardé. Évidemment, ça va s'améliorer, mais aujourd'hui, ils ont fait un bon move. Ils ont sorti un client pour iOS. Donc, probablement que ça peut permettre aux gens, aux États-Unis, encore une fois, ils sont vraiment mieux grillés que nous autres, question de service. Et... le service, c'est simple. On s'abonne pour un prix par mois. Après ça, il y a certains jeux qui sont disponibles dans une bibliothèque et on peut payer pour avoir accès à des jeux un petit peu plus AAA, si je me trompe pas. Là. Donc, c'est le Netflix des jeux vidéo. Ouais. Oui. Ce qui est le fun de leur service, c'est que ça permet, tu sais, autant un iPad, ça a du torque pour ce que c'est. C'est vraiment pas la même puissance de calcul qu'un ordinateur de gaming. Là. Mais avec un service comme OnLive, vous pouvez prendre un iPad qui n'est pas fait pantoute pour faire du rendu 3D et jouer à n'importe quel jeu comme si vous aviez une machine à 1500$. Tout se fait justement, comme l'a si bien dit Bernard, à la Netflix, mais pour le jeu vidéo. Fait que moi, je suis impressionné de voir qu'ils sont capables de faire ça. Au début, je ne croyais pas. Je me suis dit, ça se peut pas. C'est de la science-fiction quasiment, tu sais. Ouais, moi aussi, quand j'ai vu ça, là, ça marchera pas, là. Mais il en demeure que c'est le fun, le Netflix, c'est le fun tout ce qui est streaming, tout ça, mais on est encore pogné avec nos fournisseurs de nos tuyaux là, d'Internet qui nous donnent des gigs ridicules là, en termes de données. Là. La bonne analogie de la Ferrari avec 2 piastres de gaz dedans. C'est ça. C'est ça. Parce que tout s'enligne vers là, mais c'est belle. Puis Vidéotron contrôle les tuyaux en majeure partie. Fait que eux autres, c'est déjà des concurrents pour eux autres. Fait qu'ils ont quand même un gros bout du bâton, là. Ils n'iront pas trop donner du bandwidth au monde parce qu'ils savent que le monde, ils vont aller vers ces services-là puis se désabonner du câble ou de Bell. Fait qu'on va passer à un autre. On a vu cette semaine... à chaque année, Apple fait les 12 jours de cadeaux iTunes. C'est quoi ça? C'est une application que vous avez sur vos téléphones, vos iPod Touch. C'est une fois par jour, Apple donne une application ou un jeu. On s'entend, là, ça ne sera pas des gros jeux de la mort. Là. Ça ne sera pas des Need for Speed ou des Angry Birds. Ah, ben peut-être Angry Birds, par exemple. Ils pourraient peut-être le donner. Ça a été dans leur top 10 cette année. Encore une fois. C'est ça. Mais pour l'instant, ça s'adresse juste à l'Europe. Je sais pas pourquoi qu'ils ont sorti juste ça pour l'Europe, qu'ils n'ont pas mis le Canada, surtout les États-Unis. C'est ce qui me surprend. C'est que. Les autres sont exclus, mais eux autres un peu moins. C'est ça. C'est comme. Je sais pas pourquoi, mais d'après moi, ça va changer. Là. Ils vont rectifier le tir. Là. Ils vont étendre ça à Canada, USA, d'après moi. Là. Mais à chaque année, va aller voir, il y a tout le temps une application, les 12 cadeaux d'Apple. De ils sont gentils. Ils donnent une application. Ça va pas très bien en Europe de ce temps-ci. Fait qu'ils donnent des applications. Tiens, allez là-dessus, là, ça va vous remonter le moral. Ben oui, un jeu de Ferrari aux Italiens, c'est une bonne idée, ça. Avez-vous vu la vidéo, il y avait une course, il y a des gens qui s'en allaient dans un salon de voiture de luxe, là, puis ils ont coursé sur une autoroute au Japon, puis ils sont tous rentrés dedans, 4 millions de dommages. Ah oui. Je sais pas, 8 Ferrari, c'est ça? Oui, ben c'est genre 6 Ferrari, une Mercedes-Benz, mais tu sais, les Mercedes qu'on voit jamais nulle part parce qu'ils valent bien trop cher, là. Puis le 8e char, je me rappelle plus c'était quoi, mais c'est... Puis le pire, c'est que la chaussée était glissante, puis c'est le premier en avant qui a essayé de dépasser quelqu'un qui trouvait qu'il allait passer vite. Puis quand il a perdu le contrôle, ben comme ils suivaient tout l'un l'autre, voilà. Ouais. Bravo, Rémi Julienne. C'est un vieux cascadeur français qui nous écœurait avec au Canal D dans les premières années de Canal D. C'est rendu une famille aussi. C'est ça, toute la famille est là. J'ai Smash Up sur Twitter qui dit qu'il a essayé un live et qu'il a fait 7 gigs de download en une journée. Mais wow! Méga consommation. Tu sais, même s'il a joué, mettons qu'il a été malade dans sa tête et qu'il a joué 20 heures, là. Ouais. Si c'est 7 gigs par 20 heures de jeu, même si tu joues juste, tu sais, 5 heures par semaine, ça va finir par te rendre à 20 gigs à 7 gigs par règne. Mm. Ben, prends-toi un compte à faire. Dans ce moment-là, t'as le temps de l'eau délimité. Pis... Ouais, c'est ça. Ou t'appelles Frank, il va te passer ses ordinateurs, puis va être gratos, la bande. Ouais, en fait, c'est ça. Appelle Frank pour qu'il appelle le boss de Bell, puis Vidéotron pour être sûr que t'as un bon service. Ou sinon, tout le monde qui a Vidéotron ou Bell, il coupe Internet. Non, mais en fait, il y a aussi Colbanet. C'est ça, je m'en avais dit. T'es-tu encore? Oui, je suis encore avec eux autres. Mais il faut être sur l'île, malheureusement. Puis même sur l'île, c'est pas toute l'île qui est desservie. Ben non, parce que moi, j'habite dans Rosemont, en face juste du jardin botanique, et ils ne l'offrent pas. C'est pas rendu ici. Ils sont pas dans les CEO de Bell. Là. Ils ont pas acheté de D-Slam, puis il faut qu'ils le mettent là. Faut qu'ils achètent de l'espace dans les racks, dans les server rooms de Bell pour mettre leur propre rack, leur propre équipement. Fait que non seulement faut qu'ils achètent l'équipement puis qu'ils l'installent, mais en plus faut qu'ils louent l'espace. Fait que ils vont graduellement. Pour l'anecdote, j'ai un client qui avait des problèmes. C'est un petit bureau. Ils avaient un service de voix sur IP avec une compagnie que je ne nommerai pas, mais ils ont voulu changer parce qu'eux avaient des problèmes de téléphone. Et la compagnie, quand tu l'appelles pour avoir du service, au bout de 5 minutes, tu te rends compte pourquoi tu as des problèmes de téléphone. Eux aussi en ont. T'sais, ils doivent être pluggés sur leur système Voice over IP. Puis ça commence à gricher au bout de 5 minutes. T'sais. Tu viens de saturer la ligne. Donc, pas trop. Fait que comme ils voulaient faire de la voix sur IP, je me suis dit, bon, ben le truc, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'upload. Puis comme tu as si bien répondu cette semaine à l'analyse, à l'émission que j'écoutais un petit peu plus de bonheur, ben de l'upload, c'est dégueulasse au Québec. T'sais. Il n'y en a pas, c'est pourri, puis tu es obligé de te payer des services complètement débiles. Donc, il existe des moyens pour bander, pour mettre ensemble des connexions Internet. Et c'est ce qu'on va tenter de faire, nous, pour ce client-là. Donc, on a fait rentrer 2 connexions Internet Colbonnet qui roulent à... En fait, c'est de l'ADSL2, mais on est très, très loin du CIO. La fille, elle nous a dit, tu vas pas avoir la meilleure vitesse. On est à 8 mégabits. Donc, on est au tiers de la vitesse maximale. C'est quand même pas trop mal. Oui, c'est ça. C'est correct. Puis, surtout au niveau du prix, tu sais, c'est 30$ par mois. Puis, il faut que tu payes, upfront pour une année. Mais tu te pognes 2 connexions, il y a un petit ordinateur, tu fais rentrer les 2 connexions dedans. Puis, grâce à un logiciel qui est open source, que je ne nommerai pas tout de suite parce que je ne vais pas tout donner la solution, j'en parlerai un petit peu plus tard quand ça aura marché, pas juste sur papier, comme le cube. j'en parlerai un petit peu plus tard, mais on devrait se retrouver théoriquement avec une connexion autour de 14 MB de téléchargement et 2 MB d'upload. Donc, on devrait en avoir assez pour mettre du quality of service sur un certain montant de bande passante qui va être réservé aux voix sur IP. Là. Mais c'est triste quand t'es rendu que ça te coûte moins cher de prendre 2 connexions et d'essayer un ordinateur pour fusionner tout ça pour être capable d'avoir de la bande passante que de l'acheter pour vrai. Mais attends un peu, là, tu dis que ça coûte 30$, Alexis? Oui, la bande passante chez... la connexion ADSL2 chez Colbonnet, Puis, il en tout cas, c'est à cause de l'analyse, moi, que je l'ai, mais on en parle beaucoup de Colbonnet. Puis, il y a plein de bonnes raisons. Là. Ils ont fait les bons choix au niveau business et au niveau stratégique, là, manifestement. Et oui, c'est ça. Donc, c'est 30 $ par mois parce que faut que tu payes une année d'avance. Là. Fait que ça revient à, avec les taxes, je sais pas quoi, ça revient à 350 quelque. Puis là, ben à ça, il y a deux trucs qu'il faut que tu rajoutes. Donc, l'adresse IP statique, évidemment, là. Et peut-être une ligne sèche, si vous en avez de besoin, qui est 10 $ par mois aussi, mais ça, tu t'en sors pas, là, c'est partout. Téléphonique, oui. Oui, c'est ça. T'as, saviez-vous que quand j'ai commencé là, dans Internet, là, ça commençait grand public, puis j'ai commencé à travailler chez un fournisseur, on lançait Internet à Québec, puis on était sur des lignes téléphoniques, là, écoute, ça n'avait pas de bon sens, c'était des cascades de lignes de téléphone, c'était sur du... connexion téléphonique, on serait quand même pas mal évolué en peu de temps. Là. Mais l'affaire, c'est que si on commence à faire des choses comme ça, puis à, comme on dit, là, prendre deux connexions, les mettre dans un ordinateur, tout ça, c'est qu'il va, il va falloir qu'il y ait un espèce de bond technologique qui s'opère, puis qu'on donne à tout le monde là, un upload qui a de l'allure. Tu as expliqué un peu cette semaine pourquoi il n'y avait pas, ouais, d'upload. Pas. C'est pas la technologie qui est limitée, c'est le fournisseur au bout qui veut pas te le donner. Ouais, c'est ça. Ça va être Colbonnet. Quand eux, ils achètent les lignes, parce qu'il faut qu'ils achètent la capacité sur les réseaux de Bell, Vidéotron et compagnie. Mm-hmm. Dans le cas de Colbonnet, ils achètent la capacité sur le réseau de Bell. Ils doivent pas se faire vendre du 100 Mbps full duplex, tu sais, upload et download. Ça doit être genre, pour chaque meg d'upload que je te donne, ben, je vais t'en donner 40 de download. Puis après ça, toi, deal avec, tu sais. Mais je pense que c'est symétrique, mais je pense que le problème vient de la contention, c'est-à-dire le nombre de personnes qui essayent de stuffer sur une connexion en leur disant, je vous donne 5 Mbps. Mais tu sais, quand tout le monde est là en même temps, là, on n'a pas 5 Mbps ou 8 Mbps. Tu sais, il y a 400 personnes sur des espèces de nodes Vidéotron, mettons. Puis là, eux autres, ils te disent, ben c'est ça. Mais tu sais, c'est ça quand tu dors, tu sais. Toi, tu dors entre 2h et 2h15 la nuit, on le sait, Frank. Ouais. Mais c'est ben, aussi, si on retourne à l'époque, Sumerdan parlait, quand on a rentré les Internet au Québec, dans ce temps-là, c'est des lignes téléphoniques, puis il y avait 10 lignes physiques pour 20 personnes. Wow! Ouais. C'est ça que tu faisais. Ben, c'est un chiffre que je donne au hasard, là, mais c'est qu'il y avait. Non, non. Chez Megatone, c'est. Excuse-moi. Chez Megatone, c'était 1 pour 5, le ratio. Ah, quand même pas pire. Ouais, c'est ouais. Bon. Ouais. Ouais. C'était 1 pour 5, mais on, écoute, on avait des racks de téléphone qui plantaient, fait que c'était des lignes en cascade. Si tu avais une ligne qui était prise, ça passait à l'autre ligne, tout ça. Mais s'il y avait un rack, sa carte, là, chaque carte avait 4 lignes, si cette carte-là ne fonctionnait pas, ça bloquait toute la cascade. Là, c'est un gros bordel, en tout cas. C'est une autre vie. Désolé pour le grichage, je t'apprends. Ah. Ça fonctionne mieux? Ah, c'est toi, Bernard. Ah, c'est moi? Oui, c'est moi qui griche. Je griche. Je pense que Belle a voulu te faire revivre ses belles années et vient de switcher sur du 56K. Là. Là, ça va-tu mieux, là? Non. Non. En fait, c'est parce qu'on parle contre les fournisseurs d'accès Internet depuis tantôt. Fait que je pense qu'ils sont un à la suite de l'autre, sont en train de fermer à Switch. Bientôt, on Internet. Que je branche un autre micro. Il y a 29 personnes qui sont en train d'écouter 5 geeks en train de nous bitcher. Tu sais, fuck coupe on ça, le coupe ça. Ils ont rien ça va pas faire. Mieux, ça va-tu mieux? Ça griche encore. Attendez, on va les changer de micro. En attendant, Frank, t'es rendu à combien d'heures sur Skyrim? 130, je stagne pas mal. Okay. Pour deux raisons très simples. Un, j'ai recommencé à travailler. OK. Parce que oui, j'avais pris mes vacances en fonction de la date de sortie de Skyrim. Mm-hmm. je veux pas faire de bulle avec ça ou de problème avec ça, mais tu nous parlais hors ligne de problèmes de Airlus. Toi, tu es avec les Airlus, il y a les pipo-points aussi. Il y a deux systèmes différents. Est-ce que 130 heures de Skyrim, ça serait pas comme... Ça t'a coûté combien en termes de Airlus, tu sais? Ben écoute, moi, je me suis fait dire pour m'attendre à moitié que pendant le mois de novembre, comme j'avais une moustache, je pouvais prendre autant de temps à moi tout seul sans qu'elle soit là que je voulais. Parce que pour cause de moustache. Ouais, c'est bon. Donc ta copine se sacre carrément du cancer de la prostate. Non, elle m'a dit qu'elle tolérait la moustache, justement. Okay. pour me supporter dans la cause. OK. Jusqu'au 30 novembre à minuit. Mais que pendant cette période-là, je pouvais prendre autant de temps pour moi que je voulais parce que moustache. Ben, justement, c'était pour faire un lien qu'on parlait de Skyrim parce que il y a eu une annonce comme quoi il y aurait un port de Skyrim sur macOS 10. Il fonctionne. Il fonctionne actuellement. Oui. OK, donc ils ont utilisé l'espèce de le truc open source qui permet de transférer, c'est-à-dire l'équivalent de ah, c'est quoi DirectX. Le produit? Pardon? C'est l'émulateur de DirectX, non? Oui, probablement, oui. Quelque chose comme ça. C'est donc, ça. Ben, ça roule, mais ça doit... Ça roule en pas. En termes de performance, ça ne doit pas être excellent. Non, non, ça roule, mais ça ne roule pas. Là, okay. Mais c'était juste parce que je l'ai mis dans les notes parce que je savais que moi et Frank, on est deux gros fans. Tu sais, à nous deux, on a 230 heures de jouer. Là. Et vous ne l'avez pas fini. On ne l'a pas fini encore. Ça se finit pas, ce jeu-là. Non, ça se finit pas. Ça change tout le temps. Fait que non, c'était ça. C'était juste pour le mettre dans les notes. Mais si quelqu'un veut jouer sur son Mac, ce qui se fait en version PC, mais vous pouvez installer votre partition bootcamp, parce qu'installez pas ça, là, c'est comme... ça lag, là, c'est l'enfer. Là. J'ai ri parce que c'est ça qui est écrit dans l'article. Il t'explique tout comment le faire, puis ils disent, mais honnêtement, rendu là, laisse donc faire. Ouais, c'est ça. Mais ils disent seulement à la fin de l'article. Fait qu'ils viennent, tu sais, tout est rendu, OK, étape 118. Yes, yes, étape 119, c'est pas si hot que ça. Ah, crap! Installe Boomcamp. Ouais, c'est ça. Bon, est-ce que le micro marche mieux, là? Oui. Ben, c'est un autre micro, clairement. Là. Ben, c'est le micro de la Logitech, là. J'en ai d'autres, là. J'en ai plein, j'en ai un ici, j'en ai... Ça! J'en ai un autre casse d'écoute aussi, là, j'en collectionne. C'est bon. Je pense que ça va être un cas de RMA pour Plantronix ou Logitech. Ben, ça en était déjà casse. Un. Ah, OK. Moi, j'ai les internets chez nous, puis Bernard, lui, il a le centre du micro dans son sous-sol, c'est ça? Il a acheté le vieux stock d'une aventure électronique. C'est un magasin ici. Les publicités étaient faites par Pierre Brassard, by the way. Puis il y a un autre jeu qui est sorti aujourd'hui. Honnêtement, en fait, je vois que je fais du laxisme sur mon suivi de nouvelles parce que j'ai rien lu aujourd'hui. J'étais en train de faire le Père Noël. J'étais en train d'acheter les cadeaux de Noël de mes enfants, puis je dis pas ça fort parce que... C'est pour ça que ça. Ouais, c'est ça, je suis juste devant leur chambre, tu sais. Mais il y a un truc que j'ai acheté, je suis super fier. C'est une Barbie, puis c'est ingénieur informatique. Fait qu'elle a comme un iPhone, un laptop, elle a un Bluetooth dans les oreilles. Oh oui, c'est une douchebag, mais en Barbie. Hey, je vais aller acheter ça pour ma nièce pour Noël, c'est sûr. Moi, je vais m'acheter ça pour Noël. Pour toi, là? Oui, pour moi. Mais j'ai pas de collecteur, j'ai rien. Moi, les jeux vidéo, je les suis pas. Fait que tu sais, une Barbie, je pourrais peut-être revenir dans le mood tranquillement. Non, mais tu sais, t'imagines, c'est une super bonne raison de faire le film, là, les deux geeks qui pluguent une Barbie après un ordinateur puis que Science. Ça devient super... Ouais. Hein? C'est pas Weird Science, non? Weird Science. Oui, c'est ça. Tu fais le 2 avec cette Barbie-là, tu sais. Il y a un film là-dessus? Ben oui. C'est des années 80-85, je pense. C'est deux gars qui pluguent une Barbie sur un méga ordinateur puis un orage électrique en même temps, puis ça fait une vraie fille. C'est pas deux gars. C'est Anthony... Femme de rêve, je pense. Ouais. Ouais, Femme de rêve, c'est ça. Exactement, en français. C'est Anthony Michael Hall, un des deux gars. C'est-à-dire Bill Gates dans Pirates of Silicon Valley. Know your shit. Je suis pas bon avec les noms du monde. Puis je connais pas le nom de la fille, mais je sais que, ou en fait, j'ai pas vérifié l'information, mais ce serait la femme de Steven Seagal. Ah. Ça, c'est comme pas bon pour elle, ça. Pis, non, pas vraiment. Aujourd'hui, en fait, si vous cherchez cette femme-là sur Internet, je pense, je suis pas certain, mais je pense que la chirurgie plastique a fait autant de ravages à sa gueule que si elle s'était fait battre par Steven Seagal comme toute sa vie. On rit, mais c'est pas drôle. Non, c'est ça, c'est de l'intimidation, pauvre femme. Bon, ben on va parler du jeu qu'on avait mis dans les petites notes. Fait que c'est Batman Arkham City Lockdown. C'est la tout le monde, je sais pas si vous êtes tous des gamers comme moi et Frank, mais Alexis aussi, il joue pas pire. Puis, ils ont non, c'est pas vrai. Moi, je m'achète des jeux, je les tweet, puis là, j'ai du geek cred à cause de ça. Mais j'ai juste pas le temps de jouer. Alexis, je vais prendre des photos de mes jeux, je vais pas les tweeter, je vais te les envoyer par email, puis tu peux me donner 20$ à chaque fois. Va te coûter moins cher. Je t'économise de l'argent. Là. Ça c'est va te coûter vrai. Moins cher. On va avoir le même résultat. Puis moi, je vais avoir plus d'argent. Tout le monde est content. Ouais, mais je peux pas prendre comme juste tes covers de jeu, aller chez EB Games puis en avoir un autre contre. Eh bien là, on jase. Là. On jase. Ouais. Mais on va s'en reparler après le show. Là. L'occasion de photos de cover de jeu. Hein. Ça m'intéresse. Après le show, il va être genre 1h du matin. True. Mais, non, mais Batman Arkham City Lockdown, je trouve ça le fun parce que... ben puis là, je vais peut-être me faire haïr par des gens qui écoutent ou vous autres. Mais je trouve que souvent, quand il y a des gros jeux sur console ou PC puis qu'ils en sortent une version sur patente mobile, puis là, pas juste iOS, tout cadré confondu, c'est souvent juste une version cheap pour faire du cash. Là. Oui. Oh, oui, c'est pas... Mais celui-là, il a l'air cool. C'est non, vrai? Il est très le fun. Il est très le fun. Je l'ai acheté à minuit une, là. Puis 5,99. Il est vraiment beau, là. C'est le même, c'est l'engin d'Unreal 3. Combien de temps vous avez joué, by the way, à Infinity Blade 2 la semaine passée? Je l'ai pas acheté, moi. Non? Non. Moi, je l'ai acheté, je l'ai ouvert, puis là, j'ai fait... ouais. OK. Puis j'ai donné une couple de coups d'épée, là, mais... tu sais, en fait... Je jouais à ça, puis j'avais l'air de ma fille qui jouait à le jeu de création de Muffin. Là. Tu sais, c'était les mêmes moves, c'était la même affaire. C'était juste comme pas la même chose sur l'écran, là, mais c'était un petit peu décevant pour ma part. Fait qu'on peut citer Alexis Cornelier comme ayant dit, Infinity Blade 2, c'est comme un jeu de création de Muffin. Ouais, voilà. Fait que pour ça, il faut que tu aies eu et Infinity Blade et un jeu de création de Muffin sur ton iPad. Puis, il est assez trippant, le jeu de création de muffins. Je t'ai montré ça un jour. Et tabarouette, OK. Je pense que je vais avoir le diabète bientôt à force de jouer à ça. Donc, la pile du iPhone 4S. On va changer de sujet. Bien. Ouais, on change à peine de sujet. Hein? Ah ouais. C'est bien ou aussi mal? Hein? Au moins, stable. On va lui donner ça. Ben moi en fait à Apple a fait quelque chose, tu sais, la première année de iPhone 4, il y avait le Antenna Gate, puis ils ont donné un cover gratuit qui valait à peu près 20$. Là, ils ont fait un rabais de 20$ sur un truc que tu achetais pour régler le problème de batterie. Ça s'appelle un Air Juice Mofi Pack, je sais pas quoi, fait que c'est une batterie de surplus case que tu mets sur ton chose, c'est un produit qui existe depuis très longtemps. Moi, j'ai réglé mon problème de batterie avec ça, honnêtement. Puis, j'ai pas encore fait la patch à 5.01. Fait que je sais pas si ça règle le problème. Ça règle rien. Ça règle fuck all, hein? Même 5.1, ça règle rien. Puis, c'est pas listé. Tantôt, j'en parlais rapidement, mais c'est pas listé dans les notes iOS. 5.1 est pas supposé de régler le problème de batterie. C'est un petit peu triste. Tu le tiens mal, Alexis. Je le tiens mal, le téléphone. C'est pour ça que la batterie... Commence pas, Frank, là. Ça commence pas, là. Mais moi, je comprends tout le débat là, sur les batteries qui s'enlèvent pas du iPhone puis tout ça, mais ma phrase à chaque fois là, pour l'expliquer, c'est « Vous souvenez-vous du Walkman jaune dans les années 80? » J'en avais un. Au bout de 6 mois, ben oui. Tu avais perdu la porte de batterie. Puis qu'est-ce que tu faisais? Tu mettais du tape. Ouais. Du tape électrique pour retenir la batterie. Steve Jobs ne veut pas de tape électrique ou ne voulait pas, feu Steve, ne voulait pas de tape électrique sur son téléphone. C'est pour ça que tu peux pas enlever la batterie. En même temps, le Walkman jaune, il fallait que tu changes physiquement les piles à chaque fois qu'il était vide. Tu pouvais pas le plugger dans le mur pour le recharger. Fait que tu sais, mettons que la porte, elle avait pas mal plus d'activité que le back-case du iPhone. Ouais. Mais de toute façon, est-ce que tu as une deuxième pile, Frank? Ben moi, j'ai acheté la pile... Longue durée, mais celle, en tout cas, c'est moyenne durée plus, parce que c'est la même grosseur, là, fait que c'est pas le jour puis la nuit, mais ça me donne quand même une demi-journée de plus, mettons. Quel téléphone? Le Nexus S. OK. Et, c'est ça, j'ai acheté la pile, mais regarde, je l'ai sorti, fait que je peux regarder ce qui est écrit dessus. C'est la 1750 mAh, puis ça me donne à peu près une demi-journée de plus. Fait que oui, maintenant, j'ai deux piles. Pas que je traîne deux piles rechargées, mais juste que je trouvais ça le fun d'avoir l'option de pouvoir aller m'acheter une autre pile qui durait un petit peu plus longtemps sans être obligé d'avoir un case qui rajoutait de la taille à mon appareil. Mm. Oui, c'est vrai. Mais le case, en même temps, il protège l'appareil. Fait que t'en aurais mis un. En tout cas, moi, j'en mets un de toute façon. Fait que ça me dérange pas tant que ça. Alexis, est-ce que tu peux renommer le nom? Ils l'ont fait tout doux. Je vais faire c'est le Mophy Juice Pack. Okay. Puis au lieu d'être... Là, averti, là, je vais tout vous troller d'une shot. Là. Fait que réagissez pas trop venément. C'est, mon commentaire se veut agressif, entre guillemets. Là. Moi, mon téléphone, il est pas fait en vite. Puis j'ai du Gorilla Glass dessus. Fait que j'ai pas besoin de case. Mais... C'est pas du Gorilla Glass qui est sur l'iPhone, la dernière version? Non, c'est y a un alliage qu'eux ont fait, mais c'est pas Gorilla Glass, c'est un nom commercial, c'est une compagnie qui a fait ça. Ouais, je sais que t'es là pour nous écœurer, Frank, mais attends que notre écran soit fait en liquid metal, tu vas voir si ça va être solide en tabarnak. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai. Vous demandez le bruit qui vient d'arriver, c'est un bruit de bateau que je viens de rajouter en post-prod. Ah. Moi, je vous montre la petite batterie que j'ai achetée chez Monoprice. Un magasin que j'aime beaucoup. Oui. 14$, je pense, pour l'iPhone. OK. Quel est 1500 mAh. OK. Voilà. T'as-tu de la misère à la changer? Comment? T'as-tu de la misère à la changer? À la changer... Mais t'as pas un iPhone? Ouais, mais c'est un dock, lui. C'est un dock au connecteur. Okay. C'est un case, c'est pas... OK. Clac, clac. Bougez pas 30 secondes, j'ai quelque chose à vous montrer tant qu'à montrer notre bling-bling de geek. Là, je vais essayer de le trouver. Bougez pas. Ah, oh, c'est bon. On va continuer. En fait, ça sert plus à recharger l'appareil plus que de se s'en servir en direct. Là. Ça pourrait être toujours, mais c'est mieux de... Oui, parce que ça rajoute pas un 2 pouces et demi de téléphone, là, à peu près. Là. Ben ouais, c'est ça. Tu sais, ça donne... Mais pratique, parce que quand je me sers beaucoup d'un GPS, je trouve ça pratique et ça va vite. C'est une barrette de mémoire? C'est ta brocheuse? Non. Une ceinture de cardiaque? Moi, je suis super content que quelqu'un ait dit ceinture de Batman parce que je le porte souvent avec mon chandail de Batman. Non, c'est un bracelet. OK. Et si on voit ici, peut-être à l'écran, pour les gens qui écoutent le podcast en audio, là, un port USB. Ce sont des petites cellules de batterie. C'est un bracelet batterie qui permet de recharger à peu près n'importe quoi. Je pense que c'est à peu près l'équivalent de la batterie 1500 mAh, quelque chose comme ça. Ils vendent ça 35$. Je me souviens plus le site web, je le retrouverai pour le mettre dans les trucs, mais je l'appelle mon bracelet de puissance, puis je trouve ça très très drôle. Puis j'ai un ami. La force est avec toi. Voilà, j'en ai acheté deux, mais j'en ai perdu un. Puis quand je l'ai découvert sur Internet, ça fait longtemps que ça existe. Quand je l'ai trouvé sur Internet, il y avait comme tous les problèmes de batterie explosive du iPhone puis des autres. Puis je me suis dit comme moi, ouais, je devrais peut-être porter ça sur la main gauche. Puis j'ai un ami qui est allé en Chine et il m'a dit, il est allé magasiner. Je voulais qu'il m'en trouve un puis qu'il me l'envoie. Je savais pas comment le commander ici à l'époque. Et il a dit, ouais, je l'ai trouvé ton bracelet, mais sais-tu, il y a aussi la ceinture. Puis là, j'étais comme, oh oui, la ceinture. Je veux tellement ça. Comme une ceinture de 12 000 mAh. Puis là, tu peux recharger comme, tu peux parler 8 jours avec ton iPhone, mais il y a un certain risque que le tronc se détache de tes jambes, tu sais. Tu peux exploser, tu vis dangereusement, tu sais. Ouais, ouais. Fait que c'est ça, c'est mon petit. Je trouve ça intéressant, je trouve ça drôle. Puis, en fait, il y a un wow factor. Là. À chaque fois que tu montres ça à quelqu'un, tu fais « Sais-tu c'est quoi? » Puis ils font comme « Non, fuck all. » Mais c'est là. Ben, c'est le nouveau... batterie. C'est le nouveau bracelet médical alert, non? Ouais, c'est ça. Ben, c'est parce que je me suis fait arrêter puis je suis comme obligé de le porter à ma cheville. Ouais, c'est... Mon dossier médical, il est tout... C'est le batterie backup pour mon pacemaker. Ouais, c'est ça. Mon pacemaker manque de courant, ben je plug ça. Oui, c'est vrai. Je suis bêta-testeur pour le ministère de la Santé pour mon dossier médical. On peut pas tout avoir un cercle allumé en milieu du chest, tu sais, moi, c'est ça. C'est pour tenir des éclats de grenade à l'extérieur de mon... Voilà, donc... Ouais. Il commence à être tard. On a commencé tard le podcast. Oui. Habituellement, on est juste entre nous autres à dire ces niaiseries-là après le show, tu sais. La durée, la batterie est passée. J'embarque sur ma chronique rapidement. Oui, voilà. On va oublier le sujet de la semaine, je pense. Voilà. Bon, en fait, ma chronique, il y a deux sujets. Je vais parler rapidement. La bêta iOS 5.1, les ajouts et les améliorations. En fait, il y en a 8 points qui ont été ajoutés dans la bêta. Concernant le compte, donc la connexion avec iCloud puis MobileMe, faut savoir que maintenant, on ne peut pas se connecter avec l'adresse MobileMe si vous n'avez pas fait la conversion. Je ne sais pas si dans le passé on pouvait, mais maintenant on ne peut plus. Il y a, je pense, 4 API concernant le network, la connexion vers le web, puis le peer-to-peer. Donc, c'est en bêta, c'est une API en bêta, donc je ne sais pas s'ils vont l'enlever la prochaine fois ou ils vont la laisser là. GameKit, qui est dans Game Center, il y avait un problème avec des images de profil et des images d'icônes d'applications qui n'apparaissaient pas. Donc, ils ont corrigé ça dans cette une patch. Dans iCloud, le storage, le nuage numérique. Oui, mais la stocké dans le nuage, dans le fond. Il y avait des problèmes sur ça, donc ils ont réglé des problèmes. Il y a eu des corrections pour le film Movie Player. Ça, c'est pour les développeurs, encore une fois. Donc, tout ce qui est... quand vous lancez un film sur YouTube, par exemple, sur votre iPhone, puis l'écran devient noir, il y a une espèce de bouton loading, puis ensuite, vous voyez le vidéo. Ça, c'est partie intégrante de iOS 5. Ben, en fait, de tous les iOS, mais dans iOS 5, ils ont fait la correction dans 5.1. Donc, facilite justement le démarrage. Il y a eu des problèmes où ça partait pas automatique, donc ils ont corrigé ça. Et c'est d'ailleurs ce qu'on utilise souvent dans une application que je nommerai pas pour le streaming, quand tu fermes le téléphone, tu continues à l'écouter. Mm-hmm. Donc, j'utilise ça, MP Movie Player Controller, qui fonctionne très bien. Même chose pour la musique. En fait, il y avait un problème quand tu shakes le téléphone pour le mettre en mode shuffle pour la musique. Il y avait un freeze de l'application, puis la musique arrêtait. Donc, ils ont corrigé ça. Newsstand, il y avait un problème avec lire les magazines, puis savoir quel qui est nouveau, quel qui ne l'est pas. Donc, il y avait un problème sur ça, ça a été corrigé. La sécurité, il y a eu quelques certificats de plus pour... MD5, je ne sais pas c'est quoi exactement. Un protocole d'authentification. OK, MD5, des signatures. Donc, on voit aussi signatures d'algorithme basées sur SHA1 puis SHA2. Encore une fois, c'est pour la sécurité. Puis quelques outils de plus dans Xcode, mais rien d'extraordinaire, là. Donc c'est ça. Puis il n'y a pas de correction, comme je le disais tantôt, pour... la batterie, il parle même pas de la batterie, donc c'est pas là pour l'instant. Dans le release note, c'est iOS 5.1 bêta 1. Donc, il va en avoir une autre bêta de 5.1. Elle sortira pas tout de suite, j'imagine. C'est drôle, il y a quand même deux éléments là-dedans dont on sac totalement, c'est-à-dire le game kit puis newsstand. Est-ce que quelqu'un a utilisé ça à part pour prendre les icônes, les sacrer dans des dossiers puis pitcher ça à 12e page? Non. Ben moi, je développe quelque chose sur Newsstand, mais je l'utilise même pas. Fait que, tu développes quelque chose sur Newsstand, comme une patch pour pouvoir le cacher? Non. Genre une application magazine. Wow! OK. Ouais. Pendant que tu faisais ta chronique, y a-tu d'autres choses? Tu voulais nous parler d'un deuxième sujet, je pense, hein? Oui. Donc ça, c'est pour mon premier sujet, la bêta. La deuxième... On en a entendu assez souvent parler, Carrier IQ. Donc, c'est l'espèce de problème d'espionnage dans le téléphone où que Android, iOS, puis d'autres téléphones possiblement avaient justement sur leur téléphone. Je vais rapidement dire c'est quoi exactement. C'est un logiciel qui était très... profondément implémenté dans le téléphone en tant que tel. Donc, au niveau du root, là, du système, ça prenait des informations comme les sites que vous visitez, les locations GPS, localisation GPS, pardon. Puis il y a eu, il y avait des rumeurs ou des personnes qui disaient que ça allait enregistrer le texte que vous tapiez, puis des mots comme des mots de passe, ces choses-là, mais ça a été démenti. Ils ont vraiment, ils ont été clairs là-dessus qu'il y avait tout ce qui est contenu de la personne n'était pas envoyé. Mais les sites, comme j'ai dit, les sites web consultés, donc si vous allez dans l'application YouTube, il va probablement voir les liens vers les vidéos, vous allez voir ces choses-là, c'était envoyé. Aussi bien à l'opérateur qu'au constructeur, donc Bell Vidéotron, AT&T aux États-Unis qui a avoué qu'il recevait justement cette information-là puis qu'il l'utilisait. Orange, puis en France, ils n'en ont pas encore parlé. De quoi? SFR, qui est un autre gros distributeur. SFR, puis Verizon aux États-Unis, qui n'en ont pas parlé encore, ils n'ont pas déclaré rien. Nokia puis Google, qui ont dit qu'ils ne l'utilisaient pas, mais ils ont trouvé des traces d'Android. En fait, si je peux me permettre, oui. Ce qui se passe au niveau d'Android, c'est que ça semble être relié à certains fournisseurs qui ont demandé pour certains modèles de téléphone qui allaient sur leur réseau que cette fonctionnalité-là soit incluse. Mm-hmm. Puis ça coïncide aussi avec le fait que ce soit dans les versions antérieures d'iOS puis que ce soit graduellement enlevé des nouvelles versions. Parce qu'un des fournisseurs qui l'avait demandé, c'est AT&T. Et qui est-ce qui était le fournisseur exclusif de téléphone à Apple aux États-Unis jusqu'à tout récemment? AT&T. Et voilà. Donc, c'est ça fit les deux ensemble de dire que c'est AT&T qui l'exigeait, que c'est pour ça que c'était de facto dans les versions d'iOS plus anciennes. Et que là, comme au courant des derniers mois, on a eu un retrait graduel, mais pas un retrait, mais un retrait de l'exclusivité graduelle d'AT&T. On a commencé par avoir un iPhone 4 qui est sorti pour un autre fournisseur et ensuite un 4S qui est disponible un peu partout. Ça suit cette vague-là que maintenant, c'est plus intégré de facto dans iOS parce que c'est plus juste AT&T. Il n'y a pas juste AT&T aux États-Unis, mais selon moi, c'est ce qui explique pourquoi est-ce que sur un iPhone, c'était intégré dans l'OS, puis que sur Android, ben c'était pas nécessairement dans Android, mais il y a plein de téléphones qui l'avaient parce que justement, pour que le modèle soit vendu sur certains réseaux, il exigeait que ce soit inclus. Puis, en fait, justement, Apple, quand il a admis l'avoir utilisé dans des versions antérieures, il parlait d'iOS 3, iOS 4. Puis, en fait, la personne qui est Trevor, je ne sais pas trop, l'a trouvé dans iOS 5, mais c'est Apple dit qu'il l'utilisait. Dans le fond, il y avait encore des traces de ce logiciel-là, mais qui n'était plus utilisé dans iOS 5. Donc, ceux qui ont fait la conversion vers iOS 5, inquiétez-vous pas, il y a peut-être des traces, mais ils vont l'enlever dans une prochaine version. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je pense que quand il y avait eu le GPS Gate, où il avait dit « Non, mais attendez un peu, ça s'en va. » Ouais. En fait, c'est pas parti, ça a juste été remplacé par un autre truc. Moi, ce truc-là, ça s'appelle Carrier IQ. IQ, qui est une mesure d'intelligence. Carrier, qui est comme un fournisseur. Fait qu'on mesure bien leur intelligence. Là, mais comme quand il y a eu l'espèce un GPS gate, je sais pas trop, là, il y avait iOS 4, puis iOS 4 était utilisé. Le Carrier IQ était utilisé dans iOS 4. Donc, les informations qui étaient envoyées, justement, des positions GPS, ben, il n'y avait pas juste des opérations, des coordonnées GPS qui étaient envoyées. Il y avait justement de l'information. À l'époque, je pense qu'il y avait parlé qu'il y avait les réseaux sans fil sur lesquels c'était connecté, puis tout ça. En fait, je pense qu'il utilisait ces données-là pour. Oui, c'est ça. Oui, aussi. Google l'a fait avec le fond. Puis le pire, c'est que d'un point de vue purement technologique, si on essaie pendant 3 secondes d'oublier le fait qu'on est des êtres humains, là, de dire qu'on prend en note la position GPS de tous les réseaux sans fil du monde, ça aide, après ça, tous tes appareils à trouver où est-ce qu'ils sont, juste en regardant les noms des réseaux sans fil qu'il y a autour. Bon, en fait, la Mac adresse, là, y a d'ailleurs les premiers iPod Touch qui étaient capables de Apple s'est débarrassé de ce service-là, là, mais les premiers utilisaient un service qui avait justement, qui était passé dans les rues, qui avait noté les réseaux sans fil et leur MAC adresse, puis qu'ils avaient mis dans une base de données. Et ce qui fait en fait que ça pouvait être très drôle parce que si ton routeur, puis tu pouvais aller l'enregistrer toi-même dans la base de données si tu voulais, mais si ton routeur était identifié dans la base de données comme étant à Montréal, puis toi tu l'envoyais à un ami, mettons, à Chicago, et que quelqu'un avec son iPhone essayait de se localiser, ben ça lui disait t'es en plein milieu de Montréal. T'sais. Fait que t'avais un petit peu fucké la base de données de cette façon-là. Je me souviens plus c'est quoi le nom de la compagnie, mais je sais que Apple ne les utilise plus. Mais donc ouais, mais... oui, c'est ça, c'est une bonne idée d'emmagasiner ces données-là, tu sais. Ouais, mais on s'entend-tu que quand vous n'avez parlé vendredi soir à Radio Talbot avec Denis là, il était pompé rare, lui-là. Là. Non, mais il avait déjà starté avec Tetris, là, tu sais. Oui, ben ça, Tetris, oui, OK, ça, c'est correct. Mais il était pompé rare. Mais moi, Denis, il avait pas raison tant qu'à moi, là. C'était plus toi qui avais raison, parce que tous les carriers, tous les Rogers de ce monde, les AT&T, emmagasinent toutes déjà ces informations-là. Ils les ont dans leur système. Oui, puis c'est ça, c'est qu'à quelque part, il faut que les gens réalisent que si vous demandez à votre téléphone d'aller sur un site web, peu importe c'est qui, ben vous demandez à votre fournisseur de service. Exactement. Site web-là. Fait que si votre fournisseur de service, ça tente de prendre ça en note, il n'y a pas à se forcer pour. Mais Ben avait soulevé un point, Benoît Gagnon avait soulevé un point très intéressant dans le podcast où il avait dit, un problème, c'est la rétention de données. Oui. Justement, si je me mets à prendre en note tous les sites web que tous les gens sur mon réseau vont, faut que je stocke ça quelque part, maudite affaire, tu sais. Ouais. Fait que probablement qu'une partie de ce service-là, c'était juste, on va le stocker pour toi, le grand, parce que c'est ça, c'est, les carriers, autant que, tu sais, des fois, ils aiment ça nous espionner, c'est rendu que ça leur coûtait trop cher de nous espionner, ça a l'air drôle à dire, là, mais c'est que le coût de stocker toute cette information-là, puis d'essayer de la synchroniser, puis de la répliquer à travers du réseau, à un moment donné, ça devient trop complexe. Mais moi, je comprends pas en plus que. Que là, vu que ça a sorti, c'est la semaine passée que ça a sorti cette affaire-là. Mm-hmm. Voyons donc, le monde n'a pas allumé avant, tu sais, je veux dire, voyons, ça ne prend pas à être à Papineau, là, que c'est sûr que le carrier avait tout ça déjà, là. Ça, pour moi, ça ne change rien, là. Je m'en fous que. Mais c'est sûr, tu pouvais t'en douter, mais il n'y avait comme pas de preuves. Trevor non, a assez fouillé dans le. Tu sais, comment ça, ils n'ont pas encore jailbreaké le téléphone? Ben, c'est parce qu'ils fouillent de jour en jour, puis ils finissent par trouver une faille en quelque part, puis ils essayent de différentes manières. T'sais. Lui, il l'a trouvé. Écoute, c'est un rootkit, là. C'est fait, c'est pensé pour être caché dans le fin fond du téléphone. Puis déjà que le téléphone n'est pas vraiment accessible. T'sais, en fait, on ne peut pas te le dire si c'est vrai ce que Apple dit au niveau de iOS, qu'on l'utilisait, mais juste un tout petit peu, tu sais. Mais en fait, on a installé ça à la demande de Batman, tu sais, pour trouver le Joker. C'est pas comme... Ça n'a pas rapport, là. C'est pas parce qu'on est méchant, tu sais. Mais c'est aussi qu'un des problèmes que les gens ont, c'est que l'information n'était pas juste accessible aux fournisseurs de services. Fait que là, tu avais d'autres gens qui, traditionnellement, n'avaient pas accès à cette information-là. Puis tout d'un coup, ça devenait facile pour eux autres d'y accéder. Je pense que c'est partie de la polémique, je pense que c'est ça. Oui, mais vous oubliez qu'il y a aussi le projet Echelon, là, que ça fait des années là, que c'était implanté, puis que c'est fait par les gouvernements, qui recueillent des données incroyables sur nous autres. Là. Ils n'ont même pas besoin des compagnies de cellulaires, je pense, pour le faire. Regardons juste le procès Shafia de ce temps-ci, qui nous sortent des conversations qu'ils ont eues par téléphone. Comment ils ont fait pour avoir eu ces conversations par téléphone-là? Comme un peu avant. C'est vrai, à la suite de. Non, mais tu sais, c'est pas du monde qui préparait un attentat, c'est du monde qui, en deux jours, ont décidé de tuer leur fille. Là, c'était bon. Oui, mais ils ont quand même des enregistrements. Ouais, c'est vrai. Mais oui, c'est ça. Qui complotaient là, pour dire, tu sais, on va faire ça, on va faire ça. Je veux dire, ils ont eu comment ces enregistrements-là? Parce que s'ils commencent à enregistrer tout, ça prend du disque dur, là, on s'entend-tu, là? Le data center d'Apple, c'est rien comparativement à la quantité de stockage que ça prendrait pour enregistrer toutes les conversations. Ah non, c'est absolument rien. Oh, oui. C'est pour ça qu'ils veulent en construire un deuxième, d'ailleurs. Une nouvelle qui est sortie, ils se sont dit, shit, on peut pas stocker des disques durs là-dedans. Puis, acide disque dur. Fais un deuxième étage, puis construis-en un ailleurs. Oui. En fait, ce qu'on voit pas, c'est qu'il y a genre 5 sous-sols en bas, puis c'est la même largeur. Oui, comme les bâtiments d'Umbrella Corp, en fait. Oui. Tu sais, toutes les attaques terroristes qui ont été déjouées à New York ou ailleurs, là, ils ont eu des informations, on ne sait pas trop comment. Là. Il faut pas c'est chercher pas... trop loin non plus. Là. Ouais, mais là, commence pas à poser plein de questions parce qu'ils vont encore désactiver ton micro. Là. Ouais, exactement. Là, je me suis padé, là, j'en ai un autre. Là, j'en ai un autre troisième là, qui m'attend. Ils vont couper mon lien Internet. Là. Mais je voulais dire deux choses. La première, c'est le podcast de Mac-Québec se dissocie complètement des propos disrespectueux à propos de Denis Talbot que Jean-François aurait émis pendant le podcast. Mon Dieu. Coche. Hein? Denis a sauté une coche, puis c'est vrai. Puis, tu sais, comme n'importe qui saute une coche, ben, tu sais, moi aussi, ça m'est arrivé de sauter des coches à Radio Talbot, puis de m'emporter, puis de, tu sais. Ben oui. Denis, il a sauté une coche, puis, tu sais. Je pense que lui aussi est conscient, là, tu sais, puis... Tu sais, quand c'est Fallout, t'es pas un vrai Fallout, là, c'est la même affaire. C'est moi qui saute une coche, puis qui dit plus de niaiseries que d'habitude, j'allais dire des niaiseries, mais ça, je fais déjà ça, fait qu'en tout cas... Mm. C'est ça. Ah, mais c'est bon pour le show, c'est bon pour le show. Oui, ça fait un excellent show, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça le fun, parce que c'est rare qu'on s'ostine pour vrai. On fait souvent semblant qu'on s'ostine, mais ça, c'est une des rares fois. Mais là, c'était vrai, là, c'est ça. Il était pas content. Je l'ai pas écouté complet, ou je suis pas arrivé là, je me souviens plus. Ben on a passé un 20 minutes, une demi-heure. Je pense à parler de Career IQ. On a fait un petit bout là-dessus. Puis c'est ça. Vers la fin, on commençait à s'assiner un peu plus. Puis là, on a tout réalisé à un moment donné qu'on s'assinait d'être un petit peu intense. Fait qu'on a changé de sujet. C'est bon. En fait, le show complet était très bon parce qu'il était un petit peu plus intellectualisé. Puis moi, j'ai beaucoup apprécié, mais il y a du monde qui ont dit « Ouais, c'est moins drôle que d'habitude. » Des trucs comme ça. Mais bon, écoute, il y en a un, il y en a deux, il y en a trois. Tu sais, écoute, on va pas rien que faire du matériel léger. Là, on veut parler de l'industrie. Puis je pense que c'est une belle mission que vous avez aussi. Vous êtes reconnus comme étant des gamers. Puis je pense que c'est votre mission d'attirer l'attention sur ce genre de problème-là. Quand on commence à se faire un bruit de train, là. Voilà. Donc, j'ai rien dit. Il est juste comme habitué. Je le rends nerveux, tu sais. Comme il sue chez eux avec le doigt sur le piton. Puis, tu sais, c'est vraiment important, je pense, d'attirer l'attention des gens puis leur dire, écoutez, là, moralement, c'est dégueulasse ce qui est fait, là. Tetris en freemium, là, tu sais, c'est comme... c'est une aberration. Tu sais, je me suis fait rembourser... Ah, je l'ai eu, mon remboursement, Alexis, hein, j'avais 99 cents. Oui, oui. Excellent. Je me suis fait rembourser mon Tetris de IE, c'était sûr et certain, là. Mais tu sais, c'est quoi le pire? Il était dans les tops de vente. Ah, ouais. J'en reviens pas. Quand j'ai vu ça, c'est une gang de 100 dessins qui ont acheté ça. Oh, excusez. Mais là, tu viens de t'insulter, là. Ouais, mais parce que j'avais pas vu encore qu'est-ce qu'il y avait dedans. C'est après, quand tu pars le jeu, voyons donc, coûtera pas 30$ pour jouer à une cochonnerie de même, là. Non, mais faudrait voir après ça, son numéro 1 invente, mais faudrait voir sorti numéro 1 des remboursements. Ah, ouais, c'est ça, je le sais pas, par exemple. Ça, ils en parleront certainement pas. Ça, ils feront pas de press release là-dessus. On est fiers! Numéro 1 des remboursements! Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Peut-être que. Mais bon. Je vais juste rajouter une petite chose concernant Carrier IQ. Comment le désactiver, ceux qui ont peur et qui ils veulent vraiment enlever tout ça. Sur iOS, c'est très facile. Vous allez dans les réglages, puis vous allez dans diagnostic et utilisation. Réglage général, vous descendez jusqu'à diagnostic et utilisation. Ensuite, vous désactivez l'option, puis toute l'information qui va être envoyée va être enlevée. Donc, il n'y aura plus d'informations à Apple si jamais il y a des problèmes ou... justement avec ce logiciel-là. Donc, tout va être coupé là, pour les diagnostics. Donc c'est ça. Concernant Android, pour ceux qui n'ont pas encore switché à iOS, il faut que... Ben, c'est un peu plus compliqué. C'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Puis, tantôt, justement, on en parlait, puis il faut que tu ailles à la case « Routing ». Puis là, je laisse un peu les gars si vous connaissez mieux ça, Android. Frank, toi, tu sais quoi la case de routing? Ben, c'est qu'il faut que t'aies fait, puis là, la démarche varie selon l'appareil, mais il faut que t'aies fait une démarche pour pouvoir avoir un accès route à ton téléphone qui est un peu l'équivalent de jailbreaker ton appareil sur iOS. Parce que quand tu jailbreak sur iOS, une des choses que ça te donne, c'est un accès en ligne de commande. C'est un peu la même chose sur Android. Donc, dépendant de l'appareil, il y en a que c'est super simple, il y en a que c'est un peu plus compliqué. Mais c'est ça, c'est qu'il va falloir que tu aies à quelque part probablement jailbreaké ton appareil ou juste trouver une façon d'avoir un accès root. Puis là, tu as un accès en ligne de commande qui te permet de faire beaucoup plus de choses que tu n'aurais pas pu faire autrement. Mais toi, est-ce que le tien, ben toi, tu l'as acheté débarré, hein, c'est ça? Oui, ben c'est que la série Nexus s'est débarrée d'usine. Ah, c'est ça. Okay. Peu importe où tu l'achètes, il est débarré, puis tu peux mettre n'importe quelle carte dedans, mais je ne l'ai pas routé en tant que tel. Fait que j'ai pas l'accès à la console pour les lignes de commande. Je passe assez d'heures d'une journée dans des consoles à taper des lignes de commande, je ne vais pas en faire dans mon téléphone. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Mmh. La deuxième chose que je voulais dire tout à l'heure, là, on interpose, c'est que ben on est fatigué. On a commencé le podcast un peu en retard à cause des problèmes techniques. Puis on est tous très gentils. En fait, je nous trouve plus méchants envers Apple que Frank l'est d'habitude dans son show. Oh, fait que, t'es méchant. Mon plan de donner une heure et demie de problèmes techniques a fonctionné. Oui, ouais. C'est oui. Puis on était tous sur Mac en plus. Oui, on est tous sur Mac. mais pour à notre défense, Skype était, est maintenant à Microsoft, donc c'est pas notre problème, c'est à Frank le problème. Mais Skype, il se vend pas comme étant un gars Microsoft non plus, tu sais. Non. Donc. J'ai plein des défauts, mais pas celle-là. Non, c'est ça. Mais en fait. Tu parlais, il y a une des histoires que beaucoup a été parlé, qui était le gars qui a trouvé la manière de mettre des malwares sur iOS et qui avait uploadé une application qui le faisait. Qui était une preuve de concept. Oui, qui est une preuve de concept. Le gars s'était fait offrir le compte par Apple justement en disant, ben écoute, voilà un compte développeur, on te le donne, ça vaut 99$, puis tu peux uploader des applications, puis en même temps, on fait ça bon pour tester la sécurité. Tu veux tester la sécurité, puis le gars, il a fait comme... Tu sais, au lieu d'arriver avec un rapport, puis ben en fait, je pense qu'il l'aura dit. Il aura annoncé qu'il y avait une erreur, mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a uploadé une application qui permettait de le faire, et cette application-là était disponible. Il y a des gens qui l'ont téléchargée. Puis... Ouais, il y a une vidéo sur Twitter, sur YouTube, tu sais. Oui. Puis... Là, ce que vous avez décrié dans votre show, c'est le fait que le gars, l'application s'est faite sortir du App Store, le gars s'est fait couper le compte, puis tout le kit, puis tout ça, tu sais. Mais moi, j'écoutais ça, puis je me disais, ouais, mais qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse exactement? Il y a une application dans ton magasin en vente qui permet de, comme, scraper ce qu'eux autres mettent de l'avant comme étant un système de sécurité, comme... assez infaillible. Puis là, je pense pas que c'est Tim Cook qui a fait comme je viens de me faire hacker mon iPhone, comment ça se fait enlever cette application-là? C'est tout le centre de tu sais, ceux qui s'occupent en fait de dire si oui ou non une application peut aller sur le App Store. Puis il y en a tellement qui sont soumises que ces gars-là, on sait qu'ils prennent les applications, ils peuvent les passer dans un logiciel. Le logiciel leur dit en gros oui, ça respecte les normes de Apple. Bon, le gars a réussi à cacher quelque chose là-dedans, ça a passé, tout ça. Quand les gars se sont rendus compte qu'ils ont fait une erreur ou que l'application elle pouvait porter à préjudice. Moi, la première chose que j'aurais faite, c'est comme eux autres. J'aurais shuté down, puis j'aurais empêché le gars de pouvoir en uploader d'autres. T'es-tu d'accord avec ça? Oui, mais en même temps, moi, ce que je m'attendais, puis là, je vais vraiment citer le démon sur votre podcast, je m'attendais à une réaction un peu comme celle que Microsoft a eue face au premier gars qui a jailbreaké un Windows Phone 7. Il a envoyé un package. Un t-shirt, un téléphone. Tu sais, ils ont fait de la pub, ils ont mis ça sur leur blog. Tu sais, c'est... Oui, je suis sûr qu'il y a un dude à quelque part que sa job, c'est de tirer sa plug puis de, tu sais, dire ce gars-là, il est dehors parce qu'il ne correspond pas à nos normes. Mais après ça, l'équipe de PR est arrivée en arrière et a fait comme non. Ça va nous faire de la mauvaise pub. On va se faire une pub écœurante pour pas cher. Ça va nous coûter un téléphone, deux t-shirts, un poster. Tout le monde va parler de nous autres. Let's go, ce gars-là, c'est notre nouveau héros. Puis je m'attendais un peu à ça de la part d'Apple que, justement, il y a quelqu'un chez Apple qui fasse ce gars-là a clairement trouvé quelque chose qu'on a des équipes complètes. Qui n'ont pas vu passer, pas en tout, appelle-les, offre-y une job, puis assure-toi qu'on peut dire que le seul gars dans le monde qui a trouvé une façon de briser notre système, il travaille pour nous autres. Mais je suis pas sûr, moi, qu'ils ont pas déjà essayé d'engager ce gars-là, tu sais. Puis qu'il leur a dit non, non, je suis très bien où est-ce que je suis. Je veux pas travailler pour Steve puis me faire cracher dessus ou, tu sais, n'importe quoi. Mais... Ben, on dit 100 000 piastres juste pour pouvoir dire que tu as collaboré avec. Ouais. Tu sais, c'est rendu là, là. Je m'attendais à quelque chose de marketing. C'est ça que j'ai été surpris. Apple, c'est des kings du marketing puis du spin puis tout ce que tu veux. Ouais, mais quand c'est hyper contrôlé, tu sais, quand c'est avec leur affaire, jamais tu vas. Tu sais, je me souviens quand ils ont annoncé iCloud, iOS 5 et tout ça, on a fait un événement spécial sur la rive sud et on était une gang là-bas et avant le show, on a fait comme un pre-show. Puis j'ai dit, checkez bien, Steve Jobs va s'excuser pour MobileMe. Puis le monde a fait, t'es un malade, tu sais, il s'excuse pas, ce gars-là. Puis il a fait comme, ouais, MobileMe, c'était comme pas vraiment le shit, fait que iCloud, ouais! Mais Apple TV 1, c'était pas vraiment le shit, fait que Apple TV 2! Ouais, yeah! C'est ça. MacBook Air 1, c'était pas vraiment... En tout cas, il y en a, tu sais, mais il faut apprendre de ses erreurs. Oh, oui, mais c'est juste ça que je m'attendais. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus marketing, puis je m'attendais à ce qu'au moins ils nous démontrent qu'ils ont essayé de travailler avec, même s'ils ne l'auraient pas nécessairement engagé. Juste, tu sais, on l'a approché, puis on a travaillé conjointement avec lui pour corriger le problème. Ouais, mais moi quand la news est sortie, tu sais, ça faisait, bon, à peu près peut-être une semaine. C'est sûr qu'ils ne réagissent pas là, du tac au tac. Il faut qu'ils voient le coup venir, puis tout ça. Puis je me suis dit, bon, la première réponse, ça a été de sacrer le gars dehors. Puis là, ben, dans les articles, c'était écrit, ouais, le gars, il s'est fait offrir le compte par Apple, mais, tu sais, par un haut exécutif de Apple qui a appelé probablement puis qui a dit, hey, tu veux-tu faire telle affaire? Le gars qui est au centre d'approbation des applications, il y a comme toi puis moi, Frank, un secondaire 5. Tu sais, il a appris sa job dans un cartable épais de même, comme le monde qui travaille dans des centres d'appel. Tu sais, puis si tu sors de ces questions, le gars il est largué là. Tu sais, il y a pas de connaissances. Il sait pas se débrouiller nécessairement. Fait que le gars, il a fait, hey, je sauve ma job. Tu sais, comme on pèse sur le bouton, on ferme les gates, on sort ce gars-là de là. Puis, oui. un peu comme l'application comment ça s'appelle, les caricatures qu'il avait eues, tu sais. Le gars avait soumis une application, c'était comme un prix Nobel ou un Pulitzer, je sais pas quoi. Puis, il l'avait sacré en dehors. Mais, tu sais, le kid de 22 ans là, qui est là, puis, il y en a des kids de 19 ans qui sont très sérieux et qui animent le podcast avec nous. Mais, tu sais, le kid qui est là... J'entends dire qu'il faisait des applications mobiles écœurantes. Il paraît. Moi aussi, j'ai entendu parler de ça. On a pensé faire le coup, d'ailleurs, des montrer en pre... De briser le non-disclosure agreement puis de les montrer au show, mais on le fait pas. Ouais, parce que moi, je vais me faire poursuivre par Kim. Là. J'ai signé un papier, ça dit quelque chose comme 1 million $ en versement pendant 25 ans, quelque chose comme ça. Là. J'ai pas tout lu, là. Elle m'a dit que c'était correct, mais... c'est ça, elle t'a dit, lis pas ça, signe ici. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, Kim, c'est une blague, là. Elle a Kim IQ. Elle a mis un Kim IQ dans ton affaire. Ouais, il y a un Kim IQ sur Mac Québec. Ben non, moi, c'est juste ça. Je trouvais que ça manquait de spin, cette affaire-là. OK. Surtout ça. Je peux. Tu sais, puis j'aurais compris qu'ils nous annoncent que, justement, c'était un sbire qui est pratiquement un robot qui a pris cette décision-là et tout, mais je trouvais que ça manquait de spin. Ouais. Il aurait pu dire qu'ils l'ont sacré dehors. Même pas juste sacré dehors, juste. Il aurait pu, au contraire, louanger le gars qui a passé sur le piton en disant lui, il a fait sa job parfaitement. Si ça avait été n'importe quelle autre situation, vous seriez content qu'il ait fait ça de même. Et ensuite, nous, on est intervenu pour gérer le cas d'exception. Tu sais, en tout cas. Ben, moi, ce que je pensais, c'est que. Tu sais, une ou deux semaines après, il allait faire comme « Ah, OK, blablabla, on a parlé au gars, tout est correct, on lui a remis son compte, tout est beau. » Tu sais, je me suis dit « Bon, ben sur une période d'une semaine, moi, je me suis dit « Apple va le réactiver. » Mais c'est vrai que du côté marketing, il aurait peut-être pu faire quelque chose. D'ailleurs, JF parle souvent à un de nos amis, un des chroniqueurs ici, I'm Reload. On ne dit pas son vrai nom. On ne dit pas son vrai nom. Voilà, et ils ont Bob. Ouais, on peut l'appeler Bob. Ouais, on peut l'appeler Bob. Ouais, ouais. Et ils ont des sales problèmes du côté du jailbreak, du côté de la scène jailbreak en ce moment. C'est difficile parce qu'ils ont vraiment mis tout ce qu'il fallait là, comme barreur pour que... Tu sais, c'est sûr qu'éventuellement, ils vont passer au travers. Là. Ils ont passé à travers le PlayStation 3. Ils vont passer à travers ça. Mais ils ont vraiment de la difficulté en ce moment là, de ce côté-là. En tout cas, on verra avec le temps, là, mais c'est moi, c'est surtout ça qui m'avait déçu. Finalement, Frank, comme tu as déjà plus de Airlus, c'est que tu vas probablement te faire battre. Non, mais je veux faire mes trois news pareil. Excellent. Oh, donc, oui, tu oui, nous as amené trois news. J'ai amené trois news, puis écoute, je vais déjà m'auto-scooper. J'ai quelque chose de positif sur iOS, de négatif sur iOS, et je vais rire d'Android. Fait que okay. un epic win, un epic fail. Okay. Puis, Fait que dans le fond, ce que tu vas faire, c'est que tu vas dire le epic win pour iOS, le iOS. Tu vas rire d'Android. Puis à la fin, tu vas dire l'epic fail pour iOS. Puis ben, pendant ce temps-là, on va comme fermer l'émission. Puis on n'entend rien. Je vais rire d'Android à la fin. Puis au pire, tu arrangeras ça au montage. Okay. Ah, ben oui, c'est vrai. Okay, c'est ça vrai. Va non, ouvrir le show. On oublie ça. La chose qui m'a surpris beaucoup cette semaine, Microsoft a lancé une application Xbox Live pour iOS. Qui permet de faire quoi? J'ai tombé sur le cul. Ça te permet de pouvoir voir ce qui se passe avec ton compte Xbox Live, d'envoyer des messages, de demander à un ami, voir à quel jeu tes amis y jouent. Tu sais, c'est à peu près, je dirais, la moitié ou le trois quarts des fonctions de leur application pour Windows Phone 7. Wow. Parce que l'application pour Windows Phone 7 fait plus, mais tu sais, c'est parce qu'ils ont intégré une grosse partie du code de tout ce qui était Xbox Live Arcade sur l'OS, fait que ça aide. Mais c'est juste de voir que Microsoft a sorti... C'est un de leurs gros points de vente, en tout cas, un de leurs gros points marketing de Windows Phone 7, où ils disaient c'est le seul téléphone avec Xbox Live. Et là, ils ont eux-mêmes sorti une application dans genre, je sais pas combien de pays, mais la liste est quasi interminable, où ils supportent une grosse partie des fonctionnalités pour iOS. Est-ce que l'application est payante? Non. Non, elle est gratuite. Gratis. Puis, écoute, mais c'est vrai, hein, parce que, sérieusement, on niaise là, quand. Moi, je niaise quand je frappe sur PC, là, parce que on s'entend, je suis sur Mac depuis un petit peu moins que 3 ans. Fait que, tu sais, j'étais sur PC avant, puis j'aimais ça. Puis, oui, c'est vrai, j'ai déjà pas aimé Mac, parce que le monde alentour de moi aimait pas Mac. Je le confesse. Je vais dire deux saluts. Je vous salue, Marie, tantôt. Mais, t'es intimidé. C'est je vous salue, Steve Jobs. Ouais. Ouais, c'est vrai. Puis en fait ben c'est ça, je connaissais pas vraiment Mac. Puis pour revenir à ça, moi, je sais pas pourquoi mais j'adore développer sur iOS, ça je le sais. J'aimerais ça développer sur iPhone sur le Windows Phone 7 parce que l'interface a l'air intéressante quand même, mais je sais pas pourquoi j'haïs Android. Le développement, je trouve que c'est compliqué, que c'est pas la même c'est pas le même code, évidemment. Puis, je sais pas, il y a trop comme de modèles différents. Sur Microsoft, il n'y en a pas tant que ça encore. Non, puis c'est la fragmentation, regarde. À quelque part, je pense qu'il faut au moins que je reconnaisse les désavantages de la plateforme qui est celle que j'aime le plus. La fragmentation sur Android, c'est dégueulasse. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai un téléphone Nexus, parce que je sais que cette ligne-là, c'est celle qui est la plus supportée. Parce qu'elle est le code standard avant qu'il soit modifié par les différents autres constructeurs. Mais c'est dégueulasse la fragmentation, je suis le premier à le dire. Ouais. Pour résumer les fonctionnalités, à ce moment, je suis allé sur la page de l'app en tant que telle. Tu peux voir ton compte à toi, tes amis, tes messages, tes beacons, mais là, malheureusement, je ne sais pas ce que ça veut dire en pratique. Tu peux voir tous les jeux auxquels tu as joué ou tes amis ont joué, puis les différents achievements. Et tu peux, bien sûr, l'affaire que tout le monde aime le plus, puis là, vous devriez sentir le sarcasme dans ma voix, changer le linge de ton avatar. Hey, on sent... Ben, grosso modo, en fait, cette application-là, pour ma part, semble plus intéressante que Game Center. Mais c'est pour chatter avec tes amis, rester en contact, planifier tes games, tout ça. Ça semble être plus intéressant comme produit. Là. Ben c'est intéressant, puis c'est surtout que personne ne veut venir. Ouais. Non, c'est ça. Ouais, il n'y avait pas de rumeur, rien. Non, c'est un matin, ils se sont réveillés, tout le monde, puis il y avait une application que Microsoft a annoncée comme étant déjà sur le store, puis personne ne l'a vu venir. Wow. ils vont peut-être proposer Office de la même façon. Regarde. Je trouve que c'est un bon move. Tu sais, ce que je pense, c'est Fred Harper. C'est Fred Harper qui a fait ça. C'est de sa faute. Je dis souvent, moi, depuis que Fred Harper est chez Microsoft, il y a une plus grande ouverture d'esprit. Je ne sais pas s'il y a une corrélation entre les deux, mais depuis que Fred Harper est là, il y a une plus grande ouverture d'esprit. Ouais. Mais, en fait, ça allait déjà un commencement d'ouverture d'esprit pour engager Fred Harper. Bref. Mais c'est comme que avec ce que l'application devrait faire dans le futur, c'est, mettons, parce que là, tu peux pas acheter des affaires sur l'application encore. T'sais, tu peux pas commencer à downloader des démos, des vidéos, des affaires à même. Si tu achetais du stock, il faudrait qu'il donne 30% à Paul. C'est vrai, tu as raison. Oublie ça, je retire mes affaires. Oui, c'est vrai. Même du stock qui serait disponible sur une autre plateforme, tu fais comme... Ouais. Si la transaction a lieu sur le téléphone, Apple a 30%. Oui. Ouais, mais si l'application te permet de te connecter à leur serveur, à eux, pour consommer du contenu que tu aurais acheté à partir de ton Xbox, mettons, connectes au cloud de Microsoft, puis ça te stream ce que tu as acheté. Oui, oui, mais tu ne peux pas acheter le truc. À partir de l'application. OK. Moi, je pense, si tu n'utilises pas le système comme in-apps d'Apple ou que tu n'achètes rien directement dans l'application, mais c'est un peu comme tu t'envoies directement, pas sur le site web, mais un lien mobile, tu t'envoies dans ton compte, puis il y a comme une page mobile, genre. Tu n'as plus le droit de faire ça, je pense. Tu n'as pas le droit, à partir de l'application, d'avoir un lien vers quelque chose qui te permet d'acheter en dehors de l'application. Un système de paiement alternatif. Me semble que c'est ça. Netflix n'a, dans sa dernière version, à ce que je sache, aucun lien dans l'application pour te permettre de t'abonner. Parce que s'il y a un lien, il contrevient à la politique de l'App Store. Mm. Parce que c'est ça, la nouvelle politique de l'App Store, c'est soit tu achètes dans mon application puis je fais 30%, ou soit tu ne mentionnes pas directement l'endroit où tu as le droit d'acheter. C'est tes deux choix. OK, ouais. Sinon, Siri qui rend pas le monde de Gizmodo heureux? Moi, tu sais, Siri, je le connais de toutes les jokes que j'ai vues sur les intertubes de monde qui font des captures d'écran d'affaires qui sont drôles de Siri. OK. Et des annonces d'Apple. OK. Moi, c'est juste de même que je connais Siri, tu sais. OK. Il y a du monde qui m'en ont parlé, mais je l'ai jamais essayé moi-même parce que j'ai pas d'iPhone 4S. J'ai lu cet article-là, puis je peux-tu te dire que j'ai pris un 2 minutes, là? Tu l'as lu? C'est ça, je l'ai relu, puis j'ai fait comme « Hey, voyons donc, ça se peut pas. » Parce que le gars qui parle, peut-être qu'il fait semblant, mais le gars qui écrit, je devrais dire, là, peut-être qu'il fait semblant, puis si c'est le cas, il le fait très bien, mais j'ai quasiment l'impression de sentir son amour d'Apple, puis que c'est pour ça que ça l'écœure quand il se rend compte que Siri fait pas tout ce qu'il voulait faire. Un exemple qu'il donne à un moment donné, c'est un truc qui... était fait dans l'annonce de Siri. Là, je vais essayer de le retrouver pendant que je parle en même temps, ce qui n'est pas nécessairement évident. Faire du café, là, c'est pas ça? Mais en tout cas, il demande quelque chose à Siri qui est demandé dans l'annonce. C'est pas pantoute la même chose qu'il y est retourné. Il mentionne des petits détails comme, par exemple, de dire « Siri, demande à ma femme si elle veut souper à 6 heures ce soir. » Ben, ça va envoyer un message à sa femme qui dit « Si elle veut souper à 7 heures ce soir. » Puis il dit, tu sais, ce qui n'est pas grave en tant que tel, mais ce qui est le genre de petit détail qui s'attendait à ce que Apple corrige. Parce que c'est pas un texte qui est enregistré puis qui est relu à sa femme. Il fait du speech to text, donc il devrait comprendre que s'il parlait à la troisième personne, ben c'est rare que tu parles à ta femme à la troisième personne directement, tu sais. Mm-hmm. Mais dans le fond, j'imagine pour régler le problème, il faudrait pour l'instant parler « Dis à ma femme, 2 points ». Là, tu parles. C'est vraiment un peu plate, ouais. Je comprends. Puis, tu sais que c'est. En français, là, pour l'avoir utilisé de la manière qu'il faut que tu dises, c'est dit, nous mangerons à 6 heures à ma femme. C'est vraiment la tournure de phrase, tu sais. Puis, il y a vraiment de la difficulté. Moi, je l'essaye en français, puis je le pousse, puis je commence à devenir. Un pathétique spécialiste de Siri, mais t'es vraiment obligé de le dire dans un ordre précis, sinon il est tout fourré, mais vraiment, tu sais. Si tu dis, dans le système, mettons dans ton iPhone 4, si tu essaies de parler à quelqu'un, une des commandes que tu peux lui envoyer, c'est « contacter telle personne ». OK? Mm-hmm. Ben, si tu essaies de faire ça, lui, il comprend « contact ». Donc, il t'ouvre ton carnet d'adresse. Il faut que tu lui dises « appeler » ou « téléphoner ». Tu sais. Mm. Ben, l'autre affaire aussi, moi, je me suis fait dire par quelqu'un qui avait un iPhone 4S qu'il essayait, genre, « appelle Frank the Tank ». Puis là, le « de », oublie ça. Parce que t'es Le « de » en anglais, là, On a donné le truc pour ça. Quand tu appelles quelqu'un et qu'il y a un nom qui est imprononçable, il faut que tu ailles dans ton carnet d'adresse et que tu rajoutes un champ qui s'appelle « nom phonétique ». Et à ce moment-là, tu peux écrire de la manière que tu vas dire « Frank the Tank », mais tu vas l'écrire en français. Fait qu'on va dire « Frank D-E-T-A-N-K ». Puis, faudrait, si tu dis Frank the Tank, ça va peut-être s'écrire T-I-N-K aussi, tu sais. Ouais. Mais j'ai retrouvé la passe dans l'article où il mentionne le truc par rapport à la pub. C'est que dans une des pubs de série, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit Play some Coltrane de John Coltrane, le musicien. Ouais. Puis il dit que lui, il a essayé ça avec son téléphone et que son téléphone lui répond Je suis désolé, j'ai pas réussi à trouver un train de charbon. Wow! J'ai trouvé une façon pour rajouter le micro sur le clavier parce que vous voyez qu'il y a la petite icône de micro à côté du clavier, puis je suis dans Note. Normalement, il n'y a pas ça. C'est dû au clavier canadien. Okay. Il faut aller dans les paramètres généraux, sous clavier. Bernard est un nouvel animateur au podcast Mac Québec. Ça fait 3 podcasts qu'on en a parlé. Ah! juste avant que tu te rendes au bout, là, mais réexplique. J'aimais ça. J'avais un bon truc, là. Ah oui, OK, je retire ce que j'ai dit. Moi, j'ai un vieux truc, une vieille cochonnerie de trucs. Quelqu'un m'a posé la question cette semaine. Quand tu veux envoyer une pièce jointe sur Apple, souvent, ce que tu vas faire, comme partout dans le système d'exploitation, c'est que tu vas prendre la pièce jointe, tu vas la glisser sur l'application qui est dans le doc, puis lui va comprendre d'ajouter ce document-là en pièce jointe sur un nouveau mail. Tu rentres le email de la personne, puis tu l'envoies. Sauf que quand il le rajoute dans le corps du email, il le rajoute en preview, en mode de preview. Oui, en aperçu. Exactement. Puis, il y a une fille cette semaine qui m'a dit « Écoute, moi, je n'étais pas habitué de travailler avec mail. Est-ce que tu peux me dire comment faire pour enlever ça? » Puis, en fait, je pense que c'est un truc que j'ai donné au dernier amateur de Mac. Oui. Puis tu peux aussi. Tu répètes. Oui, oui, aussi. Tu peux right-cliquer sur le preview, puis tu vas avoir montré le preview ou en mode icône, et ça va se débarrasser. Mais j'ai un follow-up là-dessus, c'est que cette semaine, quelqu'un qui a écouté le podcast m'est revenu sur Twitter, et la fille voulait savoir, je suis obligé de le faire à chaque fois, comment je fais pour l'activer en permanence. Attends, oui. Puis le gars avait trouvé, il m'a followé un article et dessus, t'as une ligne de terminal, là, c'est 2 étages de haut. Puis ça finit par booléen yes. Puis à partir de ce moment-là, toutes les pièces jointes que tu vas vouloir mettre dans mail vont pouvoir être en icône directement. Fait que, Si tu parles de client mail, là, moi je vais donner un petit props à Gmail. L'autre jour, j'ai écrit un courriel, OK, il était en anglais, là, parce que je suis pas sûr qu'en français, il le ferait pareil, mm-hmm. dans lequel j'écrivais « Please review the attached document, blablabla ». J'ai cliqué sur le petit piton « Send », puis il y a une fenêtre qui est apparue par-dessus mon interface web qui m'a dit « T'as inclus le mot « attachment » dans ton courriel et t'as pas de fichier attaché. T'es-tu sûr que tu vas envoyer le courriel pareil? » Ça, c'est avec Gmail? Oui. Oui, je pense que t'en avais parlé, oui. Ouais, fort. Fort. Mm. Tu sais, c'est le genre de petits détails que tu dis, le gars qui a passé du temps à programmer ça devait se faire dire par son boss tout le long, ça servira à rien. Mais ben, que tu arrives, tu fais, ah, ouais, ouais. Ben, c'est comme antidote, il l'a. Voilà, on va donner un coup d'os à Druid, compagnie québécoise. On va donner ça québécoise, là. Druid, il l'a. Qui ont une technologie qui s'appelle Anti-Oups. et qui est effectivement, en fait, qui fait une vérification de ton mail avant de l'enlever dans n'importe quel client auquel Antidote peut s'attacher et qui va faire une vérification. Tout ce qui est répandu, là. Ouais, c'est ça. Puis en mail, qu'Antidote ne supporte pas, je ne sais pas qu'est-ce que tu utilises, là. Bien, directement Gmail, mais comme tu dis, Gmail, en fait... C'est ça, mais ce n'est pas un client web. C'est pas un client web, excusez. Mail. Voilà. Dernière affaire. Oui. Puis là, c'est le bout où je ris d'Android. Fait que si tu record, tu le quittes. Ouais. Ouais, t'es sûr, tu l'enregistres. Ouais, oui, c'est okay. Bon, j'ai ça. C'est bon. J'ai vu un site web cette semaine qui m'a bien fait rire. Parce que s'il y a une affaire qui est tout croche, on parle de la fragmentation souvent, là, mais s'il y a une affaire qui est tout croche, qui a vraiment aucune raison de l'être sous Android, c'est les noms d'appareils. C'est un faux genre. Même moi, je ne connais pas tout par cœur. Tu sais, Samsung, ils ont des Samsung Galaxy, 1 million d'adjectifs après ça. Ouais. HTC, ils ont eu les HTC Touch puis les HTC Magic. Puis en tout cas, ils ont à peu près tous un ou deux brand names auxquels ils vont mettre tout plein de qualificatifs après. Fait que ça te fait des noms interminables. Puis il y a une gang qui sont, je trouve l'idée est excellente, qui ont fait un site web qui s'appelle androidphonenamegenerator.com où ils ont pris tous les mots présents dans des noms d'appareils Android, puis tu as un petit piton generate, puis à chaque fois que tu cliques dessus, ben ça sort un nom de constructeur et deux, trois ou quatre adjectifs par rapport, mais qui existent pour vrai, puis ça te crée un nouveau nom de téléphone Android. Comme je viens de cliquer dessus, ça vient me sortir le Motorola Desire Optimus Z G2G1. Ouais. Acer Area Incredible Prime Pro. Samsung Nitro Neo. Mais moi, là, qui voudrais m'acheter un téléphone Android, là, j'arrive dans un magasin. Là. Oh, on vient de perdre Bernard. Ouais, on coupe la conversation. Non. Mais non, mais je dis pas moi personnellement, mais je suis un acheteur. Moi, imaginons un univers parallèle dans lequel Bernard voudrait s'acheter un téléphone Android. Univers parallèle. Ouais. Exemple. T'arrives là, écoute, t'as un modèle, t'as trois modèles nouveaux par semaine à peu près, là. Tu vires fou, tu viens d'acheter un téléphone, il est déjà désuet le lendemain. Il me semble qu'à un moment donné, là, il y a des limites. T'as je sais pas combien de systèmes d'exploitation différents d'Android, telle version, la 2.2B, parce qu'elle marche juste avec ce téléphone-là. L'autre téléphone, mais t'auras jamais le ice cream parce que l'autre, le téléphone passe fort. En tout cas, bref... Je sais pas, il me semble que moi, je virerais fou. Moi, j'aime bien savoir la dernière technologie quand je peux me le permettre. Mais. Comme des micros, par exemple. C'est un collectionneur. Ben, écoute, je faisais de la radio avant. Qu'est-ce que tu veux? C'est un petit défaut de. Un dada. Un dada. Moi, je collectionne les applications qui se font sortir du App Store. Fait que... Oui, c'est ça. Alexis collectionne les jeux de muffins qu'on disait tantôt. Là. Ouais. By the way, j'ai deux enfants. Là, donc, tu sais, je veux dire. Ah ouais, mais j'utilise ça pour m'excuser. Avec Batman, tu sais. Non, mais Bernard a raison là-dessus. C'est cette surfragmentation-là qui est, d'un côté, le plus grand avantage, dans le sens où peu importe ce que tu recherches comme téléphone Android, il y en a un à quelque part qui fit ce que tu veux. C'est à peu près mathématiquement certain. Le défi, c'est de trouver le téléphone qui fit. Parce que justement, il y a tellement de modèles, puis de sous-versions, puis de, tu sais, lui, il y a un clavier matériel, pas lui. OK, lui, il y a un écran de telle affaire, pas lui. Lui, il y a un NFC, pas l'autre. Telle version de logiciel, en plus, au travers de ces quatre sous-versions-là. Puis oui, c'est un cauchemar. Puis c'est pour ça que je trouvais ce site-là fantastique. Parce que sans nécessairement, tu sais, dire que il y en a un qui est pire que l'autre, ça fait juste montrer à tout le monde que ben, peut-être qu'il y aurait moyen de simplifier tout ça, puis d'arrêter de mettre 12 000 mots dans un numéro de modèle. Ben, tu vois, moi dans ma vie à moi, je suis né en 77 et j'ai été élevé que bon, ben, c'est tes possessions qui te définissent. Puis, tu sais, quand tu arrives et tu te dis, moi j'ai un iPhone 4S, ben, tu sais à quel niveau tu es dans la pyramide sociale. Tu sais, je te nique, j'ai le dernier téléphone. Mais là, avec les téléphones Android, là, tu sais, t'arrives, tu dis, j'ai le LG Design, je sais pas quoi. Là, tu dis, ouais, OK, c'est plus hot que moi, t'es... Ouais, t'as le G1, le G2, le G3, là, tu sais. C'est tellement vrai. Fait que t'es fourré, tu sais plus, il y a plus de statut social, il y a plus puis s'il y a plus de statut social, ben je suis désolé, il y a plus de civilisation, tu sais. Fait que ouais, mais Android, c'est contre la civilisation. Regarde, là je pense Alexis, si tu définis statut social par modèle de téléphone que t'as, là c'est un autre débat, puis je pense ouais, que c'est t'es j'étais d'accord avec toi quand tu disais qu'il y en avait trop et que c'était compliqué, mais quand tu dis que téléphone égale statut social égale hiérarchie dans la société, là, c'est je vais prendre un peu de distance. Je t'aime bien, là, mais tu sais... Quoique au début des BlackBerry, c'était un peu ça quand même. Là. C'était des gens d'affaires, puis des... C'était à peu près... Ben, c'était les couleurs, juste les gens d'affaires. C'est pas ouais. Ben, des gens d'affaires, c'est de tout acabit, là. T'as-tu écouté Breaking Bad? Ils ont des BlackBerry? Ouais. Ouais, mais ben, au début, là. Chèque, là. Hein? C'est peut-être Rim qui a donné un gros chèque. Dans mais Breaking Bad, c'est parce que c'est une émission à propos d'un gars qui vend de la méthamphétamine. Oui, fait mais que, comme du monde qui font de la business, des businessmen, puis des pushers de drogue. C'est eux autres qui avaient des BlackBerry au début. Mmh. Ouais. Mmh. Mais en plus des modèles d'Android, là, il y a aussi ton modèle que tu es intéressé, finalement, tu en as trouvé un là, dans les 53 qui existent en ce moment. Là. Mais là, ton fournisseur ne l'a peut-être pas, lui, en plus. C'est celui que tu choisis comme fournisseur, mais ça donne qu'il ne l'a pas, ce modèle-là. C'est plus facile de jailbreaker l'appareil, par contre, de le faire sortir puis de l'activer sur un autre réseau ou de le trouver ouvert à un autre réseau qu'un iPhone. Ouais. Va-tu marcher sur Vidéotron? Vidéotron, c'est un exemple un peu particulier parce qu'ils ont des fréquences qui sont pas les plus répandues au monde. Fait que Vidéotron, il y a bien des chances que ton téléphone ne fonctionne pas dessus, mais ça n'a rien à voir avec Android ou avec iOS ou avec... Ça a rapport avec le fait que Vidéotron ont des fréquences qui sont beaucoup moins répandues géographiquement parlant. Oui, mais tu as certains modèles d'Android qui marchent chez Vidéotron. Oui. Fait que toi, quand tu te dis, il y a un Android sur Vidéotron, donc normalement, les autres devraient fonctionner. Logiquement, tu fais ça. Techniquement, on le sait qu'ils utilisent une autre technologie. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'iPhone chez Vidéotron. Puis c'est pour ça qu'il y a bien des appareils Android qui ne seront pas non plus chez Vidéotron. Mais tu sais, pour le consommateur, monsieur, madame, tout le monde, qui voit un Android là, il dit, j'aimerais bien ça avoir le modèle que j'ai vu, Samsung, avec le gros écran. Puis ils vont dire, non, tu ne pourras pas. Tu sais. Droit de parole, mais, il lève la main, puis tantôt. Ah ouais, moi, faut que je lève ma main, moi, ici, pour parler. c'est ça, parce que Bruno Guglielminetti, dans la soirée, il a tweeté qu'en parlant de Vidéotron, en parlant d'Android, qu'ils vont avoir, en 2012, ils vont avoir le Galaxy Nexus qui va fonctionner avec Android 4.0 sandwich à la crème glacée. Non, c'est ça. C'est... Galaxy, en 2012, comme dans il y a 12 mois, fait qu'ils vont l'avoir comme... En alors décembre. Que le téléphone, ouais, c'est ça. Puis un peu comme leur premier Nexus qu'ils ont eu, alors que. Il était discontinué. Ouais, c'est ça, il se fabriquait plus. Il était discontinué, tu sais. Mais moi, c'est pour ça que j'ai été vers justement la série Galaxy, parce que je sais que je vais avoir les updates logiciels plus rapidement, parce que je sais que c'est le modèle plus standard, parce que je sais justement où je me tiens dans le roadmap, puis dans quand est-ce que les nouveaux modèles sortent, puis tout le kit. C'est plus facile pour moi de me situer au travers de tout ça. C'est-tu ton fournisseur qui te l'envoie la mise à jour vu que tu es sur un Nexus ou c'est toi, il faut qu'il l'installe? Sur les Nexus, c'est un peu comme sous iOS 5 maintenant. À un moment donné, ton téléphone fait « Hey, il y a une nouvelle version. Ça tente de l'installer tout de suite ou tantôt? » Puis ben, tout de suite ou tantôt. Ah, OK, c'est bon. Fait que c'est ça. Ça se fait « over the air », comme ils disent. Mm-hmm. Ah, OK. Moi, OK, excuse-moi. Il y a-tu le même principe qu'un iPhone, c'est-à-dire que tu peux acheter un modèle unlock puis tu as un modèle fournisseur? C'est le même principe? Ben la série Nexus sont toutes débarrées. Okay. Même si tu l'achètes avec un contrat chez un fournisseur, le téléphone est, lui, débarré. Tu peux décider d'acheter pas de contrat, où là, il va te coûter à peu près le même prix qu'un iPhone, parce que quand tu l'achètes avec un contrat, c'est le fournisseur qui paye la balance. Là. Il n'y a pas de tour de magie que l'argent apparaît du ciel. Là. C'est pour ça qu'il y a des contrats, là. Ouais. C'est pour ça qu'il vient moins, même prix quand il n'y a pas de contrat. Mais c'est ça, il est tout le temps débarré, le Nexus. Fait que c'est pour ça qu'il est aussi à peu près toujours exactement le même prix partout. Parce que tu n'as aucun avantage à aller chercher chez un versus chez l'autre. C'est le même téléphone. OK. Vincent. Un qui fait dodo. Ouais. Ben, je me suis dit, tant qu'à faire, il faut que je récupère tout de suite. tant que je suis parce que je parle d'Android, fait qu'il a décidé de faire une sieste. Correct, je comprends. Non. C'est un Vincent 4S, sa batterie commence à faiblir pas mal. Ouais. Ouais. Ben non, mais j'ai un 4, moi, je comprends pas. Là, c'est, j'ai la plus vieille version, mais. Ça tient toujours. Ouais, ouais. C'est ton GPS qui est ouvert. Là. Je voulais te demander, Frank. Oui. Cette semaine, il y a eu un pic-fail à propos de Motorola parce que le gars à la tête de ça aurait dit « Nous autres, on s'en fout, on va devenir des patent trolls. » En gros, c'est ça que la news disait. Mais moi, j'étais là « Attends une minute, là, tu vas devenir un patent troll. Tu viens pas de te faire acheter par Google, toi? C'est pas eux autres, Google Ruler ou je sais pas quoi? » Ouais, mais en tout cas, j'ai pas étudié cette news-là plus qu'il faut. OK. Mais il pourrait quand même devenir un patent troll dans le sens où il pourrait se mettre à poursuivre un peu n'importe qui n'est pas Android. Par exemple, une des affaires que Google a faites pour essayer d'aider les constructeurs qui se faisaient poursuivre par Apple, c'est qu'ils leur ont donné des brevets. OK. Puis avec ces brevets-là, les fournisseurs peuvent se revirer de bord et poursuivre Apple parce que c'est des choses qu'Apple faisait. Puis là, faudrait étudier les brevets pour voir qui a raison, qui a tort, là, mais que les différents constructeurs disaient qu'il n'y avait pas les brevets pour. Fait que c'est, il pourrait devenir un patent troll dans le sens où il pourrait juste devenir la réponse automatique à n'importe quel procès de quelqu'un qui n'est pas Android. Ou, tu sais, si Microsoft poursuit un nouveau fournisseur de Huawei, que j'ai de la misère à prononcer, là, en tout cas H-U-A-W-I, je pense, un des constructeurs Android moins connus, mais que si quelqu'un, si Microsoft poursuit eux autres pour avoir leurs quelques dollars par appareil qu'ils ont avec d'autres constructeurs, ben Motorola pourrait répondre avec une poursuite. Puis, ça, il pourrait devenir un patent troll dans ce sens-là, où il pourrait devenir la réponse automatique, tu sais, une espèce d'auto-reply dans tes emails, mais pour les procès. Sauf que, j'espère que non, parce qu'autant qu'ils sont vraiment en poche pour programmer du logiciel chez Motorola, selon mon humble avis, ils font des téléphones qui sont matériellement intéressants. Motoflou, tu parles? Motoblur. Motoflou. Oui, Motoflou. Motoflou. Flou, ouais, c'est ça. Ben, bon, il est minuit, Carl. Si on était à l'analyse des geeks et qu'on avait un titre à donner à cette émission, on appellerait ça Motoflou. Motoflou. Ouais. Fait que, écoutez, ça nous a fait très plaisir de t'accueillir, oui, Frank. Oui. On t'a pas trop démoli comme c'était prévu dans le pacing du show. Ben non, dans le pacing du show, entre chaque article, on le démolissait. Ah oui, Vincent, il était fort en tabarnouche, là. Mais c'était une version c'est une version bêta du pacing, fait qu'on l'a remanié un peu, on s'est dit, bon, de toute façon, on le partageait avec toi, tu sais, fait que t'as quand même du courage d'être resté au moins pendant le 1h20 de problèmes techniques au début. Ouais, mais j'avais quand même écrit dans le pacing, rendu dans mes articles, l'article de Frank, s'il est encore en vie, tu sais. Ouais. C'est toi? Ah, c'est toi qui l'as rajouté. Oui, c'est moi qui l'ai mis, ça. C'était une belle touche, d'ailleurs. Je te remercie beaucoup. En fait, on a pris un modèle d'un show de lutte. On a dit, si on détruit tel concurrent, puis on a gardé ça, puis qu'on a mis Frank de Tank à la place. Mais moi, j'avais demandé à Frank, justement, parlant de show de lutte, de m'envoyer une photo de lui de côté comme ça, qui regarde un peu dans les airs. Puis je me serais mis comme bien proche sur un poster avec comme toute l'écriture de combat de boxe puis tout le kit en dessous. Cette semaine, ça aurait été très drôle pour faire un peu de promo. Ça aurait été super drôle si j'avais pas oublié comme un cave. Ouais, mais c'est pas grave non, en même temps. Non, j'aurais probablement pas fait. J'en fais des niaiseries, puis ça me fait plaisir de les avouer, parce que après ça, quand le monde m'accuse faussement de faire des niaiseries, je peux leur dire, ben si ça te dérange pas d'avouer toutes les autres niaiseries, celle-là, je l'aurais avouée si je l'avais faite pour vrai. T'sais. C'est comme ma technique de défense. Parce que je me fais souvent accuser de faire des niaiseries. Souvent, ils ont raison, mais parfois, ils ont tort. OK. Okay. Ben, c'est bon. On en connaît un peu plus maintenant sur Frank the Tank, personnage de la scène de podcast québécoise. J'espère que vous avez aimé le show d'aujourd'hui. On va faire un dernier wrap-up pour Bernard. Où est-ce qu'on peut te trouver sur les internets? C'est Bernard sur Twitter, sur Facebook et un petit peu partout sur Google Plus aussi. Mais j'y vais moins souvent, mais il faudrait bien que j'y retourne. Il y a de l'écho, hein, quand tu vas parler sur Google Plus. Allô, allô. Oui, exact. Exactement. Je t'ai dit tantôt, j'avais la page de Google Plus d'ouverte. Voilà. Ah, c'est ça la page. Ils ont un système qui s'appelle Hangout, mais en français, c'est hangar vide. Ah oui, Bosch. Voilà. OK, on va les chercher loin, là. Ah, il est minuit et quart, là. Ouais. Puis après, j'ai un livre à lire, moi. Fait que, hein, je suis parti après ça. Un livre. Jeff, où est-ce qu'on peut te trouver sur les internets? Les internets, on peut me retrouver à JeffRoy1979 sur Twitter et le même nom pour Google Plus aussi. Ah, OK, vous êtes deux sur Google Plus, c'est bon. Ben, moi aussi, ça fait un écho. Moi aussi, ça fait un gros écho. Ben ouais, on va aller se parler là-dessus. Excellent. Vincent? Moi, sur les Twitter, on peut me retrouver à DEV Vimiller, qui est écrit pour ceux qui continuent à nous écouter sur le chat à minuit et 20, en bas, en dessous de l'écran. Ou sinon, mon site web, vmiller.ca. Donc, c'est ça. Moi, sur Google Plus, ça fait comme genre 3 mois que je suis pas allé, puis c'est ça. Facebook, je reçois des commentaires, mais c'est parce que je renvoie tous les commentaires de Twitter que je fais. Fait que je reçois des commentaires sur Facebook, mais dans le fond, j'y vais comme presque plus. Parle pas trop de Facebook aujourd'hui. Ça n'a pas été une bonne journée pour Facebook. OK. Fait que c'est ça, Twitter. Voilà. Pour ma part... Vas-y. Pour ma part, vous pouvez me retrouver sur Twitter au alexcornelier.com et vous pouvez aussi, j'ai pas trop eu l'air imbécile à vos yeux pendant le podcast et que vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à la maison, je suis aussi consultant à domicile et vous pouvez me rejoindre facilement grâce à l'onglet « Services » qu'il y a sur le site macquebec.com. Alors, si vous avez un problème d'écho dans le micro... Appelez Alexis. Non, l'étape numéro un, c'est de blâmer Frank, puis après ça, appelez Alexis. Voilà. Tu t'en mets beaucoup sur les épaules, Frank. Ouais. Je suis capable d'en prendre. Ça a été un beau show. Je voudrais remercier tout le monde qui sont encore live avec nous autres. 18 ouais. personnes, moins nous 5. Ça fait 13 personnes qui nous écoutent encore en live. C'est l'effet Frank, on peut le dire. C'est l'effet Frank, oui, c'est ça. Parce qu'on serait juste nous 5, je pense. Oui, mais c'est ça. Écoute, on vous remercie beaucoup. Vraiment, je pense qu'il y a eu 1h20 de problèmes. Puis avant ça, tout le monde, on était ensemble genre à 8h30, 9h pour essayer de se connecter. Puis Alexis, on le trouvait pas. Puis finalement, nous, on s'est connectés. Fait qu'on est genre là depuis genre 3-4 heures. Là, mais je vous remercie. En tout cas, pour moi, là, je vous remercie tout le monde. Mais ça a été bien le fun, les boys. Je vous remercie l'invitation. Puis faudrait répéter ça un de ces quatre. Là. J'ai réussi à vous faire parler d'Android et tout. Oui, on en parle des fois. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai vu au Mystérieux Étonnant, hier, il y avait le technophile qui était là avec sa tablette, son Transformers. C'était assez intéressant. C'était la première fois que j'étais capable de tasser des trucs sur un écran et que je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de lag sur Android. Là, il y a des appareils là, sur lesquels tu essaies de tasser et tu es comme, ouais, c'est ardu hein, sur le système. Il y a un collègue de travail qui s'est acheté une tablette Android à 100$. Puis quand il l'a reçue, il a trouvé lourde puis slow. Puis il a dit d'autres, elle est 100$. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ça fait une belle TV, si tombe. En fait, c'est pas acheter une tablette Android, c'est acheter un cadre photo propulsé par Android. L'écran est même pas touch. Le gars, il est là. Ah, gosse, ça marche pas. C'est mettre boxé dessus, puis ça t'a fait une belle TV. Voilà. Bon, sur ce, on va fermer le show. On se retrouve dans quelques minutes pour les amateurs de Mac. Bonsoir. Ah oui? Ah oh, oui, on va le faire. Ah. Oh, oui, on va le faire. On va... Suivi du show du matin. Vincent, il est là. Reste avec nous. Il sourit ici, puis il est là. Hey, les talents, ils savent que j'ai un livre à rire. Mais... Non, s'il vous plaît. Avec Gilda Roy, on va l'inviter. Pas la fin, ben toi, 98.5. Ben ouais, je vais appeler Dominique Carpin, c'est à peu près l'heure à laquelle il se lève. Ok. Ah ben oui, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Fait que bye les boys, puis à la prochaine. Ouais, va te coucher. Ouais. Bye tout le monde. Bye bye.